Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à nouveau pour un nouveau podcast de Tout le monde sur Rollist, un podcast featuring cette fois-ci où j'ai à nouveau me retrouver avec d'autres personnes étranges et fascinantes pour parler d'un sujet tout aussi fascinant. Le sujet est donc le suivant, c'est morale et éthique en jeu de rôle, réflexion sur le sens du propos. Donc derrière ce titre intello, ce que j'avais voulu évoquer aujourd'hui avec mes chers camarades, c'est que peut-être que si le jeu de rôle est une œuvre qui a la volonté de raconter des choses sur le monde, et pas seulement d'occuper notre temps libre, on pourrait se poser les questions, un peu comme dans d'autres œuvres de fiction, dans quelle mesure les concepts de morale et d'éthique peuvent être appliqués aux médias jeux de rôle. Et est-ce que le fait d'être réunis autour d'une table pour s'amuser annule, en tout cas amoindrit, le jugement que l'on pourrait porter sur un personnage, une représentation ou une histoire de manière plus globale, quoi. Est-on seulement en droit d'ailleurs de juger les narrations des autres ou le design d'un auteur, comme on pourrait le faire pour un réalisateur de cinéma ou un auteur de roman? Pour parler de tout ça, autour de cet espace virtuel qu'on s'est construit pendant quelques instants, j'ai trois personnes, trois nouvelles personnes à nouveau, que vous n'avez pas forcément encore entendues, mais dont je trouve le point de vue intéressant. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer par se présenter? Eh ben, c'est parti. Bonjour aux auditrices, bonjour aux auditeurs. Moi, je m'appelle Valentin T sur Internet. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de comprendre le jeu de rôle d'un point de vue, on peut dire théorique, avec les outils que donnent les sciences humaines. Et vous pouvez utiliser le pronom il pour moi. Très bien. Enchanté Valentin, est-ce que tu pourrais nous dire juste rapidement pourquoi tu as accepté mon invitation à ce podcast? D'abord parce qu'on m'a proposé et que comme je suis quelqu'un de gentil et de corvéable, j'ai accepté. Je ne sais pas si mon point de vue sera pertinent, je vais essayer de le rendre pertinent, on va voir ce que ça a donné. Ok. Félandra, tu veux prendre la suite? Je ne sais pas si tu veux qu'on t'appelle comme ça d'ailleurs au cours de ce podcast. Oui, tout à fait. Vous pouvez m'appeler Felondra. Moi, c'est Felondra. Je suis actif principalement sur les courants alternatifs, mais aussi sur d'autres communautés en rapport avec le jeu de rôle sur Internet. J'ai ouvert un blog il y a quelques mois qui s'appelle Une pincée de Fel, sur lequel je fais des critiques et des articles qui portent principalement sur la manière dont on peut faire évoluer nos pratiques à table. C'est-à-dire que plutôt que d'écrire des nouveaux jeux, moi ce que j'aime bien pour le moment, c'est de me poser des questions et notamment d'importer depuis le théâtre et l'improvisation théâtrale des pratiques qui permettent de faire évoluer ce qu'on vit à table et de le rendre le plus satisfaisant possible. Donc moi, je me genre au masculin avec le pronom « il ». J'ai accepté l'invitation sur ce podcast. D'abord effectivement parce que tu m'as demandé et que j'étais content de venir un peu papoter. Et puis notamment parce que moi la question de la politique en jeu de rôle, c'est une question qui m'intéresse de plus en plus. J'ai notamment écrit une longue critique sur Lady Rossa, qui est un hack de Lady Blackbird qui promet en tout cas de pouvoir jouer les brigades rouges, qui est un groupe qui pratiquait l'action politique violente en Italie dans les années 70. Et de manière générale, ça m'intéresse de savoir est-ce qu'on peut vraiment aborder des questions de politique autour d'une table de jeu de rôle. Très bien, ma foi, ça risque d'être fort intéressant. Nous avons une dernière personne, si tu veux te présenter, je ne sais pas sous quel avatar tu veux te nommer. Je vais m'appeler Lecteur, c'est le nom que j'ai sur JDR Virtuel, le forum que j'utilise le plus. Je suis surtout maître de jeu depuis un certain temps maintenant. Je m'intéresse depuis quelques années au système un peu indépendant, narrativo-vegan et toutes ces choses merveilleuses. Et ça fait quelques temps aussi que je lis pas mal d'articles sur les courants alternatifs sans avoir encore poster quoi que ce soit. Et donc, je suis là parce que Arjuna m'a invité. J'ai trouvé ça intéressant. C'est mon premier podcast, mais à l'instar de Valentin, je vais essayer d'être pertinent. Et vous pouvez me qualifier au masculin. Très bien. Donc moi, je suis Arjuna. J'utilise les pronoms elle et lui, et je me genre au féminin. En fait, j'étais intéressé juste pour monter ce podcast, car je traîne pas mal dans la scène militante sur les réseaux sociaux, et on est amené à pas mal se foutre sur la gueule autour des questions de morale et d'éthique, justement. Et je trouvais intéressant de pouvoir relativiser autour de ça et d'essayer de dénoncer une pensée complexe, en tout cas si on y arrive ce soir. Avant de nous lancer dans les hostilités, si je puis dire, je voulais commencer ce podcast sur une réflexion de Sylvain Agacinski, si je n'écorce pas son nom, qui est une philosophe politique qui a dit un jour la phrase suivante, elle a dit « L'adjectif éthique sert souvent, hélas, à signifier qu'on veut limiter les dégâts d'une pratique injuste. » Et donc, ça commence à nous... Justement, Félandra, tu parlais de politique. Ça peut nous introduire au fait que justement la notion de morale ou d'éthique est politisée, en fait, et donne un point de vue réellement sur le monde. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de ça, mais c'est un sujet que j'aimerais décidément traiter. Je voulais vraiment introduire le podcast par un grand classique du jeu de rôle dont on parle souvent, mais peut-être qu'on n'aborde pas toujours avec assez de fond. C'est sur le fait d'incarner des personnages qui sont oppressifs, qui sont violents, qui sont méprisables, sur le fait que, est-ce que c'est moral de jouer ces personnages, et pourquoi éventuellement on prend plaisir à jouer ces personnages. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus, là de suite? Je sais pas, par exemple, lecteur, toi, ouais. J'étais pas mal intéressé par ton point de vue, notamment sur Warhammer 40 000, et de ce que je connais du jeu, enfin je me trompe peut-être, hein, j'ai cru comprendre que souvent on jouait des personnages oppressifs, ouais. Ouais, assez oppressifs, en tout cas qui ont une manière de poser leur point de vue qui est assez agressive, quoi. Complètement. Alors moi, je fais beaucoup d'Arc Hérésie, donc en simple, les joueurs incarnent des acolytes, des sortes d'agents, un peu comme des espions, au service d'un inquisiteur. Hein. C'est très inspiré de l'inquisition espagnole, sauf que ça se passe dans le futur et dans l'espace. Et donc forcément, ils persécutent ce qui est considéré comme hérétique. Ce qui implique souvent, vu que les lignes morales de l'univers sont volontairement assez floues, assez douteuses, il n'y a pas vraiment de bien ni de mal, c'est plus des thématiques entre l'ordre et le chaos. Mais ça amène souvent un jeu de personnages, en fait, qui se retrouvent pour obéir aux ordres des supérieurs ou à la morale dominante, ce qui n'est pas toujours très éthique, justement, à faire des choses assez sales. Qu'est-ce que je pense, moi, du fait d'incarner des personnages comme ça, c'est ça ? Quand je parlais de moralité, bon, après, chacun peut avoir sa définition de la moralité, mais est-ce que tu as déjà hésité à jouer certains personnages ? Est-ce que tu as déjà vu des gens qui n'étaient pas capables de jouer ce genre de personnages, par exemple ? Des gens pas capables de jouer ce genre de personnage, non, je n'ai pas eu à ma table, parce que je pense que le thème est suffisamment clair pour que ça attire plutôt les gens qui... voilà, ils savent dans quoi ils mettent les pierres. Par contre, ça m'est déjà arrivé de trouver que des joueurs dépassaient les bornes et que je ne pouvais pas jouer avec eux. Parce que, pour moi, pour essayer de répondre un peu à la question, c'est pas immoral de jouer un personnage oppressif, violent, détestable, tout ce qu'on veut. À partir du moment où le joueur ne partage pas les valeurs du personnage, comme un acteur, en fait, tant que la différence entre l'acteur et son rôle est bien différenciée, pour moi, il n'y a pas de souci et je trouve ça tout à fait défendable moralement. Par contre, quand je sens qu'il y a des opinions qui fusent à travers le personnage, qui sont des valeurs réelles du joueur et qui sont problématiques, c'est-à-dire qu'il va, il va défendre vraiment enfin, la discrimination, des choses comme ça. Là, je me sens mal à l'aise, j'ai besoin de faire un break quoi, pour voir de quoi il retourne. Et j'ai déjà dû virer comme ça un joueur qui était éminemment raciste et qui profitait d'un contexte de jeu qui se veut plutôt réfléchir sur la politique, etc., pour placer des choses comme ça qui n'avaient pas vraiment leur place, puisque c'était pas défendable de sa part et c'était pas le but, quoi. Le but, c'était de réfléchir sur justement sur des notions éthiques et morales et pas de balancer des points de vue fermés, discriminants. Bref, que je voulais pas mettre. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que pour toi, l'univers n'a pas vraiment de morale. Ça veut dire qu'on est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment de victimes dans Dark Heresy, ou qu'on finit tous par être la victime de quelqu'un d'autre, ce genre de Ouais, c'est choses? ça, tout le monde est une victime. En gros, le bien, c'est un système totalitaire, fanatique, ce que tu veux. Et le mal, entre guillemets, c'est les forces du chaos personnifiées. Donc, t'as pas vraiment de réelle dialectique morale possible, en fait, puisque dans tous les cas, c'est de la merde. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet d'explorer tout un tas de comportements et sous un mode assez tragique, puisqu'on se rend compte qu'en fait, quoi qu'on pense, justement, on est toujours la victime et le bourreau de quelqu'un d'autre. Ok. J'aurais juste une dernière question, éventuellement, avant que d'autres rebondissent sur ce que tu dis. C'est justement sur cet aspect, pourquoi aller jouer, toi? Est-ce que tu saurais expliciter, par exemple, pourquoi c'est fun de jouer Est-ce que tu aurais, par exemple, un exemple de personnage en tête ou un type de personnage, pas forcément spécifiquement que tu aies joué, mais un genre de personnage que tu as en tête, souvent pour Warhammer, et en quoi c'est fun, voire en quoi c'est intéressant derrière de jouer ce genre de personnage? Alors, un archétype de personnage en tête particulier, non, j'en ai pas. T'as vraiment plein de types de personnes différents, au final assez peu pondu de clichés. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est le fait de pouvoir explorer une personnalité différente de la sienne, parce que c'est un peu fait pour ça, quoi. C'est du jeu de rôle, hein, après tout. De pouvoir créer des personnages qui sont nuancés en fait, puisque d'emblée il n'y a pas d'étiquetage moral justement. C'est un peu aux joueurs de se créer une éthique à travers leurs personnages dans cet univers du jeu. Et je trouve que créer des personnages méprisables, oppressifs, tout en ayant quand même un côté humain et qui vont être un peu partagés justement avec leurs actes douteux, enfin en tout cas moi c'est ce que je cherche à mettre à ma table. Bah, ça crée de la tension, ça crée de la nuance, du drame, ça rend les personnages plus crédibles. Et justement, ça amène des questions éthiques dans le monde du jeu que je trouve très intéressantes. Et enfin, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a aussi des joueurs, mais ça, c'est pas le genre dont je veux, qui ont tendance à créer des personnages comme ça, immoraux, par pur pragmatisme méta-jeu en fait, c'est-à-dire je suis une ordure finie, donc le maître de jeu ne peut pas mettre de contraintes morales sur moi, il a moins d'emprise sur moi, mais c'est pas trop. On te fait souvent des. Il y a souvent des murder robots, du coup, à Warhammer. Je sais pas si tu connais l'expression. Si, ouais, bah, dans la plupart des jeux de rôle, je pense, de toute façon, hein. Moi je les prends pas. Ok. Sais pas si ça répond à ta question, du coup. Si, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on aura l'occasion de dire plein de choses autour de ça. Félandra, tiens, par exemple, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Est-ce que toi, par exemple, t'as déjà kiffé jouer des personnages horribles, et est-ce que éventuellement t'as une petite début de réflexion sur le sujet? Est-ce que moi j'ai déjà joué des per... Je pense pas. Je pense pas que je... Parce que moi j'ai besoin de pouvoir aimer mon personnage et de pouvoir trouver un sens à ce que fait mon personnage et d'être d'accord avec lui quelque part. Donc j'ai déjà joué. Mais par exemple, l'été passé, j'ai fait un jeu de rôle grandeur nature qui s'appelait Nexus 6, où j'incarnais un vétéran de guerre dans un régime totalitaire qui en gros ne se posait pas de questions et tuait parce qu'on lui avait dit que ceux d'en face étaient mauvais, etc. Et je l'ai joué pendant 24 heures sans interruption Donc c'est un jeu de rôle grandeur nature assez intense. On n'a pas dormi ou presque. On n'avait quasiment pas de ration, etc. Bon, il y avait une sécurité autour. On pouvait aller dormir, on pouvait aller manger, on pouvait voilà. Mais en jeu, et tant qu'on se sentait prêt à le vivre comme ça, on était très rationné et tout ça. Et à la fin justement en débriefing, il y a eu cette question, qu'est-ce que vous gardez de votre personnage et qu'est-ce que vous repoussez de votre personnage? Et quelque chose je voulais garder de mon personnage, c'est qu'au moins il avait une direction, il se posait pas de questions, il était sûr de lui. Ça, c'est quelque chose que j'avais, en fait, qui quelque part était très reposant parce que moi d'habitude justement je me questionne beaucoup sur oui mais est-ce que là je suis pas en train de blesser quelqu'un, oui mais est-ce que là je suis vraiment légitime à dire ça, etc. Et donc expérimenter comme ça pendant 24 heures d'affilée quelqu'un qui ne se posait jamais la question, qui était sûr de son fait et qui appliquait la loi du plus fort parce qu'en fait il était du bon côté du fusil, et ça avait quelque chose de très reposant et de très agréable tant qu'on était dans cette espèce de suspension d'incrédulité généralisée. Mais sinon, pour rebondir sur ce que disait Lecteur, ça me fait beaucoup penser à un jeu de rôle que j'ai un peu pratiqué qui s'appelle Dogs in the Vineyard, qui est un jeu de Vincent Baker, où on joue des jeunes mormons, dans les États-Unis du 19e siècle qui sont envoyés dans des communautés pour rétablir la vraie foi. Et donc on joue vraiment un peu les gardiens du temple et on va aller vérifier que tout le monde fait bien ses prières, que personne ne trompe sa femme ou n'accepte des pots de vin, etc. Et ce qui est très très bien en fait, c'est que le jeu outille vraiment de manière à ce qu'on arrive avec un code de conduite très clair où tout est noir ou tout est blanc, et on arrive dans des situations où tout est gris. Où en fait les gens font des choses répréhensibles, mais pour de bonnes raisons. Et ça, vraiment, l'auteur du jeu insiste fort là-dessus. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve, à jouer. C'est en fait de jouer cette opposition entre un système de valeurs très clair, une morale très très claire, une éthique très claire, etc. Et de les confronter en fait à une réalité où cette morale et cette éthique ne s'imbriquent pas parfaitement. Et où il faut faire des choix, et le jeu pousse en fait à ce que à une montée de la violence, et donc soit on renonce, mais alors on se met en faute par rapport à son code éthique et moral, soit on pousse jusqu'au bout et en fait on finit en tirant sur tout le monde et en tuant tout le monde, et du coup on a rétabli la justice, mais on règne sur un cimetière, quoi. Est-ce que quelque part, une bonne recette pour jouer un personnage horrible, c'est pas justement plaquer un modèle binaire sur une situation qui est compliquée, un peu comme ce que vivent plein de jeunes personnes LGBT, quoi, où il y a une société qui est binaire, qui est patriarcale, qui est très genrée, par exemple, ou qui a des archétypes genrés forts, et qui va faire beaucoup de mal aux gens, parce que juste, en fait, c'est justement un modèle arbitraire. Sur des situations complexes, quoi. Ouais. À mon avis, c'est assez juste. D'ailleurs, ça me rappelle un article du Monde que j'ai lu aujourd'hui sur un rassemblement à Stockholm, un rassemblement d'hommes qui essayent de lutter contre la virilité toxique et la masculinité toxique. Et l'article terminait en disant, en fait, c'est en déconstruisant les genres qu'on pourra rendre les gens libres. Et donc en leur retirant justement effectivement ce code moral binaire préconstruit et inculqué dès le plus jeune âge, eh ben on les rend libres parce qu'on leur remet une responsabilité à leurs actes et on enlève une espèce d'inertie qui les a toujours conduits, et on les pousse à prendre leurs propres décisions et à être qui ils veulent être, quoi. Valentin, je ne sais pas si tu es revenu parmi nous. Ouais, je suis là. Très bien. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Ouais, tout à fait. Ce qui évoque fait Londra, notamment avec Dogs in the Vineyard, c'est ce que moi j'appelle le jeu moral. Donc je reprends une notion théorique de Thomas Munier, qui va nous être très utile, je pense, au cours de ce podcast. En fait, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs types de jeux de rôle qui explorent plusieurs choses différentes, notamment une forme de jeu qui s'appelle le jeu moral. dans lequel on va essayer justement de questionner l'éthique, la moralité des personnages, éventuellement la moralité des joueurs. Et c'est un genre de jeu que j'apprécie tout particulièrement. Donc, Felandra a cité Dogs in a Vineyard qui nous met devant des choix impossibles. Et en fait, il y a toute une collection de jeux, toute une série qui, justement, essaye de questionner ça, de questionner la morale des joueurs par l'aide des mécaniques, d'un contexte, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que c'est la structure du jeu, la structure des règles, en fait, qui va nous amener à nous soit poser des choix, soit poser des dilemmes moraux. Et donc, il y a un lien qui est, je trouve, très intéressant à faire entre quelle est la structure du jeu, dans quelle structure sont mis les joueurs, qui va produire, finalement, des questionnements moraux et éventuellement des dilemmes et des choix impossibles. Et c'est clair que on peut avoir des expériences assez fortes. Je pense à un jeu qui s'appelle Demiurge, qui est un petit peu inspiré de Dogs in the Vineyard, dans lequel on joue des jeunes démiurges, qui sont des adolescents, des jeunes adultes avec des pouvoirs démesurés. Et donc, ces pouvoirs démesurés leur donnent une grande responsabilité. Ils vont être en situation de pouvoir trancher des conflits graves. Et en fait, c'est la structure du jeu qui produit des enjeux problématiques face auxquels les joueurs vont être amenés à se positionner. C'est une possibilité d'explorer le jeu moral, comme ça. Et quelque chose que tu as dit, Arjuna, tout à l'heure, c'était que le fait de placer les gens dans une société face à un choix binaire aboutit à un dilemme qui est parfois en lui-même une forme de choix immoral. Et ben en fait, ce que font les jeux moraux, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire placer des structures à l'image que pourraient être les structures sociales, placer des structures ludiques qui vont pousser à justement questionner l'éthique et la morale des joueurs. C'est un axe en tout cas qui m'intéresse en game design notamment. Ouais, ça me fait tout de suite penser à quelque chose que tu dis, enfin ce qu'on a dit, mais particulièrement ce que toi tu dis, Valentin, à un scénario très inspiré du monde des Murder Party qui s'appelle le lycée des Encolis, que j'ai eu le bonheur de faire jouer. Je pense qu'on aura l'occasion de réévoquer le scénario-jeu à plusieurs reprises, parce que le jeu est très intéressant. Mais je me souviens d'un nom de personnage dont j'ai occulté mais c'est pas très important. On joue donc des adolescents dans un lycée américain, avec tout ce que ça peut comporter de dramaturgie sur les relations problématiques entre les personnages. Et notamment, on a l'archétype du personnage masculin, passif et agressif, qui contrôle la vie de sa copine sans avoir l'air d'y toucher, mais qui va bouder dès qu'elle ne fait pas ce qu'il veut, qui va exprimer son incertitude face aux choses jusqu'à que la personne aille dans le bon sens, etc. Un peu ce qu'on peut comprendre d'un personnage pervers narcissique aussi. Et j'ai trouvé ça très intéressant de jouer, mais juste pour mettre en lumière justement ces relations toxiques. Je suis pas sûr d'avoir été très à l'aise avec le fait de jouer ce personnage, même si j'ai beaucoup aimé le jouer, mais c'est vrai que ça a permis de mettre en lumière par exemple qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique et qu'est-ce que ça crée en termes de rapport de force, en termes de rapport de pouvoir, etc. Victor, les rapports de pouvoir, ça doit pas mal te parler, toi, dans Dark Heresy. Ouais, carrément. Déjà, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que je trouve que vous l'avez bien formulé sur la notion de jeu moral. En fait, c'est ce que je cherchais à dire. Voilà, c'était un peu brouillant ce que j'ai dit, mais c'est exactement ce que je fais, en fait, avec un jeu qui est sûrement peut-être pas forcément conçu comme ça, parce qu'on dit souvent que je l'aborde d'une façon un peu particulière. Mais c'est exactement ce que je fais, en fait, ce que tu as décrit, Felandra, pour Dogs in the Vineyard, ou Valentin, ce dont tu as parlé ensuite, c'est ce que j'applique en fait. C'est pour ça que j'ai adapté le système et je le joue d'une façon en jeu moral en fait. Je trouve que c'est bon, voilà, chacun a un contexte et un jeu qui vote pour ça, mais c'est comme ça que je l'ai adapté. Et donc, tu m'as demandé, Arjuna, pardon, ta question exacte, c'était En fait, histoire de permettre de rebondir sur tout ce qui a été dit, mais notamment les rapports d'autorité en fait. Les rapports d'autorité. En quoi ça peut... Bah toi, est-ce que c'est quelque chose que tu mets beaucoup en lumière, par exemple? Est-ce que selon toi, ça permet de raconter des histoires cool? Éventuellement pourquoi? Des Alors, choses comme ça. je joue beaucoup sur l'autorité qui vient des supérieurs par rapport aux joueurs. Entre eux, je leur impose pas, par exemple, d'avoir un chef d'escouade ou un porte-parole ou ce genre de truc. Je les laisse gérer eux-mêmes et généralement, ça donne une dynamique équitable où chacun a un peu sa tâche et tout le monde peut donner son après, ouais, non, j'aime bien jouer sur les contraintes imposées par la hiérarchie, c'est-à-dire qu'on va leur donner un objectif qui va entraîner justement des choix un peu impossibles moralement, avec des contraintes assez strictes, et en gros jusqu'à quel point ils vont accepter de faire des choses en se rendant compte qu'en fait, ils ne servent pas la bonne personne. Un petit exemple vite fait, c'est là, par exemple, ils enquêtent sur le meurtre d'un... En quelque sorte d'un agent de l'ordre qui en fait a lui-même exécuté des gens qui s'étaient rebellés parce qu'on les avait plus ou moins foutu dehors sans véritable raison. Et en gros, plus les joueurs enquêtent pour essayer de rendre justice à cet homme qui est mort, plus ils réalisent que c'est un immonde connard qui a exécuté des innocents. Et en fait, ça reste leur mission de devoir rendre justice à ce type-là, mais ils se demandent déjà, est-ce qu'ils vont vraiment aller jusqu'au bout? Est-ce qu'ils vont être prêts à sacrifier pour ça? Et pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils ont vraiment raison d'obéir à cette personne? Et en fait, petit à petit, je laisse découvrir que je laisse énormément de marge, ils peuvent essayer de se dissocier de leurs maîtres qui sont normalement imposés par le jeu. Est-ce que pour toi, il y a une forme d'absolu dans le jeu, mais aussi peut-être dans l'univers, sur le fait que même si les personnages se battent, le monde est tellement pourri qu'il va les corrompre quelque part? Je veux dire, est-ce que c'est vraiment je trouve vraiment pas mes mots, excuse-moi. Ah, j'ai Mais du pardon. est-ce que c'est vraiment une obligation, quoi? Ils vont finir par être façonnés par le monde dans lequel ils vivent? Ou est-ce qu'il y a un espoir quelque part pour toi? Bonne question. Alors moi, je joue beaucoup sur le registre tragique. Donc effectivement, dans tous les cas, ils perdront beaucoup de choses, ils devront sacrifier beaucoup de choses, ils finiront probablement corrompus ou brisés. Mais il y a quand même un espoir au sens où ce qu'ils font... C'est un peu à eux justement de décider quel genre d'espoir ils veulent adopter. Est-ce que ça va être plutôt symbolique, c'est-à-dire bon bah ok, cette tragédie survient quand même, mais on s'est battu. C'est un peu genre vivre libre ou mourir par exemple. Ou au contraire, parfois ils décident à finir corrompus et brisés, mais au moins ils auront bâti quelque chose qui pourrait leur survivre ou survivre à leur propre corruption. Donc oui, je joue pas mal là-dessus. Non, ok, intéressant. Bah justement, moi, j'aurais envie que Félandre, que tu rebondisses là-dessus, quoi. Je sais pas si tu veux citer Lady Rossa ou peut-être d'autres exemples. Ah oui, alors Lady Rossa, ça y est, on y va. Donc Lady Rossa, comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est un jeu de rôle qui est un hack de Lady Blackbird, donc il reprend l'essentiel du système de jeu de Lady Blackbird pour nous faire jouer des membres des Brigades Rouges dans l'Italie des années 70. Les Brigades Rouges, c'était un groupe militant d'extrême gauche, hein, des communistes, il me semble maoïstes, mais là je m'avance. En tout cas, toujours est-il que ce sont des gens qui ont pratiqué l'action politique violente de manière systématique. Donc, ils ont cassé des machines, ils ont tiré sur des policiers, ils ont enlevé et tiré aussi sur des juges. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est que ils faisaient ce qu'ils appelaient la jambisation, c'est-à-dire qu'ils tiraient dans les jambes pour pas tuer les gens quand même. Ils ont enlevé des gens, ils ont tué une ou deux personnes, dont Aldo Moro, qui était à l'époque président du Conseil italien. Enfin bref, c'est des gens qui vraiment revendiquaient l'utilisation de la violence à des fins politiques. Et le jeu annonce de manière un peu floue que on va jouer ça. Et bon, moi, en fait, mon analyse qui en fait rejoint une analyse faite par l'auteur dans un podcast qu'il a donné à Radio Rôliste. Donc l'auteur s'appelle Macbeth. Et c'est qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment de se poser la question de la violence. Il ne s'agit pas vraiment de se dire, bah, tiens, est-ce que ces gens avaient raison ou pas ? Ou alors de le faire à la fin de la partie quand on aura tout terminé. Mais pour Macbeth, l'objectif du jeu, c'est simplement de jouer la tragédie de gens qui recourent à la violence et qui donc s'enfoncent dans une spirale qui les mène nécessairement à la déchéance et à la défaite du mouvement. Et en fait, il reconnaît d'ailleurs qu'une partie de ces, une partie des personnages, parce qu'il y a deux générations de prétirés, de personnages prétirés, et les personnages de la deuxième génération qu'on est censé prendre dans la deuxième partie du jeu, Macbeth lui dit lui-même qu'en fait il ne les aime pas, qu'il considère que ce sont des gens qui ont abandonné un peu trop de leur humanité, etc. Ça, pour moi, ça a été un gros problème dans le jeu parce que, justement, quelque chose qui m'intéressait, c'était que de découvrir un jeu qui me permette de me poser des questions de morale et d'éthique en jeu. Et j'ai l'impression qu'en fait, les choix de game design de ce jeu ne permettent pas de se poser des questions de game design, ne se permettent pas de poser des questions d'éthique, de poser des questions de morale, mais simplement poser un jugement que la violence politique mène nécessairement à un cul-de-sac. Moi, c'est ça que j'ai ressenti en y jouant. En l'occurrence, c'est le jeu qui propose une vision de la morale ou de l'éthique qui me rappelle aussi un peu quelque part Monostatos, qui est un jeu de Fabien Hildegarde qui propose de jouer des héros lumineux et flamboyants, pour résumer ça comme ça, qui vont se battre contre un culte théocratique. Tout à fait, qui est tout puissant et endormi tout le monde. Et c'est un jeu, moi, qui m'a pas mal gêné, que j'aurai sûrement l'occasion de citer, je sais pas si j'aurai le temps de faire ma critique avant que ce podcast sorte, mais c'est vraiment un jeu qui te dit quelle est la bonne voie, quoi. Quel est le bon chemin pour sauver les gens et qui va pouvoir le faire et qui ne va pas pouvoir le faire, quoi. Et c'est quelque chose qui peut être un petit peu violent, mais c'est vrai que quelque part, on peut se dire que c'est juste... C'est deux écoles. Ça peut être les joueurs, oui, les joueuses qui vont essayer de trouver une morale, mais ça peut être aussi le jeu qu'ils proposent ex nihilo, quoi. Et on est un peu obligé de s'y plier pour le coup. Absolument. Absolument. Moi, en fait, un autre très bon exemple que j'ai de ça qui est un petit peu en creux, c'est en fait Sens, le jeu de Romaric Briand. Parce que Sens, pour moi, s'appuie, d'ailleurs il le dit très ouvertement, c'est qu'il s'appuie sur la possibilité qu'a un meneur de jeu dans un dispositif de jeu de rôle traditionnel d'être abusif et d'être violent envers ses joueurs. Et une des choses que propose Sens, en fait, c'est de jouer petit à petit l'émancipation des joueurs par rapport à leur meneur de jeu. Donc pas au niveau des personnages et de la fiction, mais vraiment autour de la table, de petit à petit. En tout cas, c'est la promesse du jeu que moi je trouve n'est pas très bien réalisée, mais ça c'est une autre question. Mais qu'en tout cas, voilà, la promesse du jeu, c'est que les joueurs autour de la table puissent s'émanciper du tyran qu'il y a au bout de la table, qui s'appelle meneur de jeu, quoi. Là, justement, j'ai une question qui me vient assez naturellement et que je vous pose un peu à tous et toutes, quoi. C'est est-ce que justement on pourrait pas dire que certains auteurs de jeux de rôle, même si c'est un truc qui a priori serait fait juste pour s'amuser, sont définitivement militants et militantes. Alors je dis pas qu'ils ont forcément raison, mais que ça soit par exemple dans Lake de Rosa, dans Sens ou dans Monostatos, est-ce que c'est pas des gens qui font acte de militantisme en écrivant un jeu et en défendant une vision du monde? Je crois qu'il y en a pas mal qui le revendiquent explicitement. Hein. T'aurais d'autres exemples en tête, toi, lecteur? Non, je pensais plutôt à ceux qui sont cités, parce que je connais au monde vite fait, et j'ai vu des trucs dessus où effectivement ils se revendiquaient comme militants. Mais je pense qu'à partir de là, on peut effectivement leur accorder qu'ils le sont, puisque mine de rien, je pense que quand on joue avec une certaine liberté de ton et ouverture d'esprit et qu'on va un peu plus loin que le par contre au trésor, on peut soulever des réflexions et des problématiques qui vont assez loin, mine de rien. et faire réfléchir les joueurs. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a des joueurs aussi de se dire, ah ouais, finalement, on a soulevé un truc super intéressant et finalement d'y penser aussi hors jeu. Je pense effectivement que s'ils construisent un jeu spécifiquement orienté sur l'idée de faire réfléchir un thème particulier et sous un angle particulier, à mon avis, le support ludique, avec toute la marge de manœuvre que permet le jeu de rôle, peut être considéré comme approprié, je pense. Valentin, toi qui as l'air de, enfin, a l'air, je dis ça comme si c'était une surprise pour moi, mais toi qui kiffes bien le jeu moral, est-ce que tu te sens pas justement un peu dépossédé dans ce type de jeu, ou est-ce que au contraire tu les aimes bien? On parlait de Dogs notamment tout à Ouais. l'heure. En fait, je me sens pas dépossédé. Je pense que quand tu parlais du fait que certains auteurs sont militants, quelque chose que je crois, c'est qu'en fait, quand un auteur de jeu propose une structure, qui est le livre de base, hein, avec un ensemble de règles, en fait, ce qu'il fait, sans le dire, c'est mettre les joueurs dans un cadre. Et ce cadre-là, il est jamais neutre. Alors par exemple, on peut citer un exemple bateau, mais c'est celui des alignements, enfin bateau, non pas bateau du tout d'ailleurs, mais c'est celui des alignements dans Donjons et Dragons, où on a explicitement le bien, le mal, qui sont en jeu, et donc il y a des actions qui sont ontologiquement bonnes et des actions qui sont ontologiquement mauvaises. Il y a des individus qui sont le mal, des individus qui sont le bien. Et en fait, dans ce genre de structure-là, on est dans ce qu'on appelle je sais pas si vous connaissez le terme, mais c'est un universalisme moral. C'est-à-dire que c'est tout le monde sait très bien ce qu'est le bien, tout le monde sait très bien ce qu'est le mal, et les gens qui font le mal le font par principe. Donc ça, c'est une vision du monde qui est déjà extrêmement orientée, qui est déjà extrêmement dirigée, dans laquelle la question, ça va être comment arriver à faire le bien. En pratique, plutôt. C'est plutôt dans ce genre de structure-là qu'on est mis. Dans les jeux comme les Dogs in the Vanyard, les Demiurge, ce genre de choses, en fait, on est plongé dans des structures dans lesquelles le meneur de jeu, enfin la structure du jeu lui-même, n'explicite pas directement ce qu'est le bien ou le mal. On est dans une autre posture philosophique. Au lieu de l'universalisme moral, on est dans le relativisme moral. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans des situations dans lesquelles c'est à nous de nous définir notre éthique. Et j'aurais tendance à penser que c'est moi ce qui m'intéresse un peu plus. Enfin, en tout cas, si je veux me poser des questions morales, je préfère être dans un jeu qui est implicitement dans une structure relativiste en termes moral. Et je me sens pas dépossédé, au contraire, justement, c'est là où j'ai le choix et où je peux me permettre de choisir en toute conscience, quoi. Parce que quelque part, tu sais sur quel bouton appuyer pour que ça ait un impact, c'est ça que tu voudrais dire en fait ou... Plus spécifiquement, c'est dans un jeu qui te met dans une situation problématique, situation éthiquement problématique, tu sais pas forcément sur quel bouton appuyer, mais tu sais que tes choix vont être signifiants. C'est ça qui est pertinent pour moi. Il est possible de jouer dans un contexte qu'on pourrait dire amoral. C'est-à-dire que on a une situation problématique et l'enjeu de la partie, par la structure même du jeu, ça va être d'essayer de résoudre le problème que pose le jeu. Dans un jeu moral, on n'est pas face à ce genre de problème-là. On est face à un autre genre de problème qui est, bon, on a plein de solutions qui sont et qui possible quoi, et on n'a plus qu'à choisir finalement la situation qui correspond à la morale qu'on veut explorer à ce moment-là, quoi. Donc je me sens pas dépossédé, au contraire, je me sens en possession des moyens d'expérimenter ma moralité plutôt. Ok, intéressant. Lecteur, je reviendrai bien vers toi. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué. C'est tout ce qui est. C'est quelque chose qu'on évoque souvent en jeu de rôle, mais que je vois assez rarement traité au final. C'est tout ce qui va être l'évocation de l'intime via la notion de sexualité, par exemple, le jeu d'horreur, ou tout simplement. Bah, le récit des difficultés de la vie quotidienne dans tout ce que ça peut avoir de bête et méchant. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de l'expérimenter déjà? Est-ce que pour toi, ça serait moral d'évoquer ça en jeu? Juste pour avant que tu puisses répondre, je voulais juste introduire une réflexion que j'avais, c'est que en ce qui concerne les difficultés de la vie quotidienne, je connais beaucoup de joueuses qui m'ont dit, je veux pas jouer ça à une table de jeu, je me sens pas à l'aise et ça me semble pas cool dans le sens, ça me semble pas cool qu'on puisse faire ça à une table de jeu de rôle en fait. Il y avait D'accord. vraiment une appréhension à ce niveau-là. Bah écoute, moi, oui, j'évoque très souvent aussi bien la sexualité, l'horreur, que tous les types de difficultés de la vie quotidienne, avec tout ce que ça peut amener comme lot de traumas individuels dans les personnages à développer. Je dirais même que c'est quasi systématique. Est-ce que c'est moral? Je trouve ça un peu difficile de répondre à cette question, mais je dirais simplement que je pense que c'est quelque chose qui est vachement intégré aux mœurs maintenant à travers les séries et les films qui sont très portés sur les trois thèmes que tu cites. Donc je dirais qu'une certaine façon, c'est en tout cas c'est pas immoral, ça répond à quelque chose qu'on est plutôt habitué à voir maintenant. Tu me demandes est-ce que j'ai déjà eu des soucis, c'est ça, avec des joueurs que ça pouvait rendre mal à l'aise? Je Bah, comprends pas bien ta question, je suis pas sûr de la saisir. est-ce que pour toi on peut le faire tout simplement, tu vois? Ah ouais, bah oui, clairement. Voir est-ce que c'est important? Est-ce que peut-être la question cachée derrière tout ça, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément très explicite, mais c'est est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque? Enfin, je vais me faire l'avocate du diable, mais est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de réveiller des traumas, de mettre à jour des désirs douloureux? De peut-être toucher des choses trop profondes qui pourraient parasiter le jeu, justement. Alors c'est particulier parce que bon, dans l'absolu, je serais capable de te répondre. Hein, si je te parle par rapport à mon expérience, je sais que je fais toujours très, très attention au recrutement entre guillemets des gens avec lesquels je vais jouer. Je sens beaucoup leur sensibilité. Je parle pas mal avec eux avant et je fais pas mal de. Je fais des débuts assez introductifs justement pour tester un peu, voir de quel genre de choses on peut parler ou pas. En général, je joue avec des gens assez. Enfin, on a une grande liberté de ton, et donc on parle de. Il y a pas mal de pathos à table, on va dire. Ok. Je pense que l'important, en fait, c'est vraiment bah, le fameux contrat social, et d'avoir aussi un moyen, que ce soit la fameuse X-card ou autre chose, de se faire comprendre si jamais il y a quelque chose qui dépasse les limites de chacun. Mais dans l'absolu, je trouve que c'est quand même intéressant de chercher à faire quelque chose qui risque de nous bouleverser un peu, mais duquel on va retirer de réelles émotions en fait à table, plutôt que de rester dans son cocon bien douillet et au final de potentiellement passer à côté de quelque chose qui peut nous marquer, un peu comme dans les œuvres. Mais bon, ça c'est mon point de vue, c'est juste mon point de vue. Ouais, tu penses en fait, est-ce que tu penses que quelque part ça permet d'explorer des zones de jeu qu'on n'explore pas d'habitude? Ça serait ça l'intérêt en fait? Bah, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent à une partie de jeu comme ils viendraient face à une série ou un film dont ils attendent en fait d'être quand même un peu emportés et remués d'une certaine façon. Et parfois, il y a des choses qu'on n'aime pas. Je sais pas, il peut y avoir, j'en sais rien, mais l'archétype du méchant, un véritable salaud qu'on va finir par aimer, détester, et que même si ça éveille parfois des choses un peu difficiles, finalement, on sera d'autant plus content lorsqu'il tombera. Je pense que ça donne un jeu plus intense, ouais, et qu'au final, il y a pas mal de monde qui est à la recherche de quelque chose dans ce genre-là. Mais de pouvoir le faire quand même avec une certaine forme de filet, qui est le fait de se connaître un peu et d'avoir discuté de ce qui peut être abordé ou pas. Ok. Félandra, Valentin, est-ce que vous avez déjà douté de mettre ce genre de choses en scène? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous en général quand vous jouez ou quand vous animez une partie? Et moi, en fait, la réflexion que je me faisais, c'est que, en fait, si, Moi, souvent, je suis vite. Enfin, j'ai peur de mettre les gens mal à l'aise quand j'aborde ce genre de. Enfin, quand j'aborde des thèmes comme la sexualité, comme les difficultés de la vie quotidienne, etc. Et donc, du coup, de deux choses l'une. Mais premièrement, déjà, il y a des jeux aujourd'hui qui cadrent très précisément là-dessus. Par exemple, Tiramisu a sorti un jeu qui s'appelle La vie de l'absent, où on joue, donc les joueurs jouent des personnages qui se rassemblent à l'enterrement de quelqu'un qu'ils connaissaient et qui vont évoquer des souvenirs liés à la personne et puis qui vont s'échanger des objets liés à la personne et un héritage, etc. Et là, je me dis, bon voilà, si on présente le jeu correctement, toutes les personnes qui après la présentation accepte de jouer au jeu, savent en tout cas que le thème du deuil, ça va être un thème fort de la partie, etc. D'autre part, dans un jeu plus général ou dans des sessions, enfin dans des parties sur plusieurs sessions, etc. Là pour moi il faut faire plus attention parce que les joueurs n'ont pas forcément signé pour ça, les joueurs et joueuses n'ont pas forcément signé pour ça, et donc si tout à coup il y a une session où il est question de, je sais pas, il est question d'un viol, il est question d'un attouchement, il est question d'un harcèlement moral ou quoi. Moi, en tout cas, à mes tables, quand ça arrive, je fais une pause, je demande au joueur ou à la joueuse, est-ce que ça va? Est-ce que tu veux qu'on passe à autre chose ou est-ce que tu es confiant là-dedans, même si avant on a établi un contrat social, qu'on a mis une X-card, etc. Et si le joueur ou la joueuse me dit oui, eh ben on y va et je lui respécifie à tout moment, tu fais la X-card si ça va pas et après on peut se lancer dans la scène. Parce que j'estime que comme ils ont pas forcément signé pour ça, j'ai un devoir éthique de quand on va dans la grande profondeur, d'y aller doucement, quoi, et de pas les pousser tout à coup dans la grande profondeur sans savoir s'ils savent nager dans ce type d'eau-là, quoi, entre guillemets. Ils ont signé avec leur sang. Est-ce que pour vous, est-ce que selon vous, c'est possible? Et est-ce que c'est sain? C'est-à-dire, est-ce que quelque part, ça peut faire du bien? Est-ce que ça peut apporter quelque chose à la personne qui va le jouer? Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est sain d'explorer une éthique qui n'est pas la sienne? Est-ce que véritablement, on peut le faire? Et est-ce que ça crée des choses intéressantes? Alors, moi, j'aurais tendance à penser que c'est une des choses qui m'anime personnellement en jeu de rôle. Je pense que je joue à des jeux moraux notamment pour ça. C'est-à-dire, quand on a un cadre, un jeu, une pratique qui nous permet de faire ça en toute sécurité et en consentement partagé, en fait, on peut justement explorer des éthiques qui sont différentes, légèrement différentes ou totalement différentes de la nôtre. Et je pense que c'est très pertinent justement, quoi. C'est un peu quelque chose que recherchent, je pense, en tout cas beaucoup de joueurs de jeux de rôle, c'est-à-dire se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour expérimenter finalement une autre vision du monde. Et donc une autre vision éthique possible du monde, pour moi, c'est quelque chose de très simple, parce que ça... Pour moi, ça met en perspective justement ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire un certain relativisme moral. Des actions, par exemple, on peut juger durement certaines personnes dans certaines situations. Quand on est en jeu de rôle, quand on est dans des situations bien sûr simulées, qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont dans le même cadre, on pourrait dire, d'une même structure, il m'est arrivé de me rendre compte que certains choix que je pouvais condamner étaient beaucoup plus difficiles à réaliser, des choses que je trouvais intrinsèquement mauvaises, me paraissait finalement la meilleure chose à faire dans d'autres situations, dans le cadre du jeu de rôle. Donc pour moi, c'est quelque chose de très pertinent, quoi, dans ma pratique. Je ne sais pas si les autres voulaient rebondir là-dessus ou si vous avez déjà le sentiment d'avoir fait le tour. Non, je rejoins pas mal Valentin. Je pense que non seulement c'est possible, mais c'est sain aussi, je pense, effectivement, que ça apporte quelque chose. Et Je pense aussi d'ailleurs que les joueurs sont très doués pour faire, peut-être même plus qu'on ne le pense, la séparation justement entre eux et leurs personnages. Après, ça dépend aussi dans quelle mesure. Je pense que c'est pas pareil, par exemple, des gens qui vont enregistrer une vidéo et la diffuser sur YouTube. Là, on peut peut-être plus se questionner que sur une bande de gens qui vont juste passer une soirée entre eux et qui sont tous consentants. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Si ça branche certains d'incarner des profils cannibales, narcoleptiques, cherchant à dominer la pègre occulte des grandes villes, pourquoi pas? C'est un peu le cadre de Vampire, c'est sympa après tout. À ceux qui connaissent. Ah ouais, je Non, pense. Vampire, ça vous Il plairait? y avoir deux, trois personnes qui connaissent. Quoi, de loin. C'était de l'humour, c'est pas grave. Oui, c'était du contre-humour que j'ai fait, désolé. J'aimerais rajouter un truc à ce Ouais, sujet. vas-y. C'est beaucoup d'expériences que j'ai eues avec un petit jeu de ma création qui s'appelle le fast-food du jeu moral, dans lequel on joue à deux participants, un joueur qui joue un personnage et un autre qui cadre l'expérience du personnage en lui posant plein de questions à son sujet. C'est une expérience qui peut être extrêmement intime, en fait. Et dans ta question, donc tu nous poses la question de savoir à quel point est-ce que expérimenter des éthiques différentes de la nôtre est intéressant et sain. En fait, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les expériences parfois les plus fortes et les plus violentes émotionnellement, donc pas dans le sens péjoratif, mais d'intensité, sont des expériences dans lesquelles je me suis le plus projeté moi-même dans le personnage que j'incarnais. Et donc, l'exploration d'un personnage qui me ressemble quasiment trait pour trait est parfois plus, comment dire, plus difficile à encaisser que l'exploration d'une morale qui m'est différente. Mais c'est aussi extrêmement riche parce qu'en fait, je mets mon personnage dans des situations qui ressemblent quasiment trait pour trait à des situations que je peux vivre moi dans la vie quotidienne. Et dans ce cadre-là, les choix ont donc comment dire, une puissance assez phénoménale. Et je trouve ça extrêmement sain aussi. C'est une sorte de laboratoire éthique quelque part pour soi-même. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut passer à la suite? Bah moi, juste repréciser qu'à mon avis, un autre grand grand plaisir des rôlistes en général, et en tout cas de moi en particulier, c'est simplement le plaisir d'évasion, et c'est tout simplement d'aller explorer d'autres réalités, de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, de faire un peu ce qu'on veut. Même si ce plaisir de pousser ça jusque dans des retranchements moraux et éthiques, c'est aussi un grand plaisir, quoi. Mais n'oublions pas le simple plaisir de l'évasion dans le jeu de Ouais. rôle. Bah, je connais notamment, bon, on aura sûrement l'occasion de le développer dans la suite de ce podcast, mais pas mal de militants d'extrême gauche qui en jeu de rôle adorent jouer la caricature du mec ou de la nana d'extrême droite qui déteste et qui parfois se laisse prendre au jeu et qui parfois sont, bah, c'est un peu ce que tu disais, Valentin, ça remet en perspective leur propre vision des choses, quoi. Et c'est assez intéressant à voir, en tout cas, quoi. Que de voir qu'on peut ressentir de l'empathie pour la personne sur qui on chie sur la gueule tout le reste de l'année, quoi. Donc, si vous voulez bien, on va passer à la suite. On a déjà, je pense, pas mal évoqué les personnages et ces différents avatars. J'aimerais me concentrer davantage sur les structures narratives, même si on les a déjà pas mal abordées en réalité. Parce que j'aurais tendance à penser que les structures narratives, au-delà des personnages qui composent l'histoire, ont en elles-mêmes des choses à nous dire sur ces questions de morale et d'éthique. Et moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de discuter avec vous à quel point elles ont une influence sur ce qu'on raconte. Et à quel point elle pourrait peut-être dire quelque chose sur les personnes qui les utilisent. Et là, je parle évidemment des joueuses. Pour démarrer là-dessus, donc je voulais partager une citation d'un illustre inconnu qui s'appelle Albert Camus, qui est romancier et dramaturge célèbre, qui, je pense, offre des pistes intéressantes. Je pense que ça va rejoindre d'ailleurs la réflexion sur le relativisme de Valentin. Albert Camus disait donc la chose suivante, il disait, si j'avais à écrire un livre de morale, il aurait 100 pages. Et 99 serait blanche, qui semble suggérer que le concept de morale et d'éthique sont en permanence en train d'être écrites et remodelées quelque part. Donc voilà, si on aborde les structures narratives, ce que je voulais peut-être introduire notre sujet par le fait que. Tu parlais tout à l'heure de sens, Félandra, sur le fait que, par exemple, le personnage est parfois victime de l'histoire et de sa force d'entraînement. Est-ce qu'on n'a pas des questionnements moraux à se poser sur le fait, de contraindre autant, les actions d'un personnage par un scénario dirigiste, par une structure tragique? On peut aussi retrouver ça dans des jeux de rôle horrifiques ou dans des jeux de rôle, très cadrés. Est-ce qu'on ne doit pas des fois se poser des questions sur peut-être une proposition très forte qu'on peut avoir en jeu de rôle à vouloir impérativement tout contrôler sur le récit d'un personnage? Ben pour moi, la question qui se pose, c'est de le poser clairement dans le contrat social du jeu. Par exemple, dans Sens, tout comme dans Vadémécum, le dernier jeu de Romaric Briand, il le dit très clairement, c'est une histoire qui est préécrite et c'est très dirigiste, quoi. Et donc, à partir de là, donc moi, par exemple, j'ai mené une table de Sens que je viens d'arrêter. Et en fait, les joueurs qui d'habitude sont très demandeurs justement d'avoir une histoire dans laquelle ils ont une grande agentivité, dans laquelle les décisions de leurs personnages ont un grand poids, etc. Ici, ils ont tout à fait accepté de mettre ça de côté parce que je leur avais dit, ils savaient bien, voilà, Sens, c'est dirigiste, l'histoire, elle est très écrite, et petit à petit, vous aurez des espaces de création qui vont apparaître et vous devez un peu les chercher et vous devez les exploiter une fois qu'ils sont là. Et une fois que ça s'était posé, à ce niveau-là, en tout cas, je pense pas qu'il l'ait vécu comme une violence. Voilà. Mais est-ce que quelque part, ça ne dit pas beaucoup de choses justement alors, dans le cadre d'un jeu, ça va être un auteur de jeu, mais ça peut être la préparation du MJ, ou Oui, alors ce genre de choses, quoi. ouais, moi personnellement, j'y vois une espèce de, moi j'y vois une espèce de méfiance par rapport à la table et par rapport à la capacité aux joueurs à comprendre ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut arriver et donc une nécessité à les prendre par la main pour les amener à bon port. Moi, par exemple, dans Vadémécum que j'ai joué il y a pas longtemps, ce qui m'a posé problème quand je l'ai joué. C'est qu'en fait, j'étais plus d'accord avec les ennemis qu'avec les soi-disant gentils. Mais que les ennemis avaient une espèce de plan diabolique que je ne dévoilerai pas ici parce que je voudrais pas spoiler. J'ai écrit une critique sur mon blog qui le détaille en long et en large. Mais en gros, ce plan diabolique des méchants m'empêchait de me poser de vraies questions morales et d'éventuellement me rallier à eux. Alors, le principe, j'étais plus, enfin, moi, ça m'aurait intéressé en tant que personne. Enfin, je pense que mon personnage aurait été intéressé d'aller discuter avec eux et dire, ouais, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas des points en commun et est-ce qu'on ne pourrait pas bosser un peu ensemble, quoi? Parce qu'en fait, on a peut-être un ennemi en commun et plutôt que se mettre sur la gueule, voilà. Mais le jeu l'interdisait. Et ça, pour moi, ça a été une violence en jeu. Non, Ouais, vas-y. j'aimerais rebondir là-dessus. C'est intéressant ce que tu évoques avec Vadémécum, parce que j'ai eu exactement la même expérience où j'aurais aimé me rallier au soi-disant ennemi, mais c'était pas possible. Et en fait, ça, ces réflexions me font penser. Là, on parle finalement de scénario. Il y a d'autres pratiques qui sont plus insidieuses et qui sont extrêmement répandues en jeu moral et qui, moi, me posent question en termes d'éthique, vraiment. Ouais, c'est ce que je voulais parler quand j'évoquais la structure tragique, ouais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir différents modèles. Ouais, tout à fait. Et en fait, bon, alors il y a deux, là, j'ai deux idées en tête. La première, c'est la structure avec une préparation sous forme de piège. C'est par exemple dans Demiurge, il y a une préparation de partie dans laquelle va y avoir des enjeux pour les personnages non joueurs. Les personnages non joueurs vont avoir des objectifs contradictoires et il ne peut y en avoir qu'un qui va obtenir ce qu'il souhaite. Mais ça, les joueurs ne le savent pas au début et ils vont le découvrir petit à petit. Ils vont s'attacher au personnage. En fait, c'est parce qu'ils s'attachent au personnage que le choix, le dilemme va être plus intense. Et en fait, beaucoup de jeux reposent là-dessus. Hein. Il y a un autre jeu, un autre petit jeu de ma création, qui s'appelle Amour, Gloire et Chevalerie, dans lequel c'est un piège complet, où on met les joueurs dans une situation, donc ils vont découvrir plus tard que, en fait, il y a pas de solution idéale. Et en fait, il m'est arrivé d'avoir des expériences avec ce genre de jeu, dans lesquelles, quand les problématiques sont dévoilées, elles peuvent être extrêmement violentes pour les joueurs et les joueuses à la table de jeu. Le gros problème, c'est que en termes de conception de jeu, ce genre de jeu ne marche que parce qu'il y a une sorte de secret sur le poteau rose. Mais en même temps, ça peut poser vraiment de gros problèmes de sécurité émotionnelle face à ce piège qui se referme. Ça, c'est le premier cadre, c'est quand il y a une préparation en amont. Il y a un autre type de jeu, c'est ceux dont la structure même induisent de la tragédie. C'est par exemple des jeux comme Bliss Stage, où on joue une cellule de résistance contre des méga-robots, ou un jeu comme Polaris, où on joue des chevaliers, c'est pas celui avec les sous-marins, c'est l'autre, on joue des chevaliers dans un pays de glace, qui vont être amenés à vivre une pure tragédie de par le système de jeu, en fait. Et j'ai eu certaines expériences dans lesquelles il y avait une sorte de lassitude et puis de détresse morale de certains joueurs, certaines joueuses, face à cette structure qui se referme sur eux, qui est induite par les règles et dont on ne peut rien puisque c'est par construction une tragédie. Ça va finir mal, quoi qu'on fasse. Donc je ne sais pas, parce qu'en fait, ce genre de jeu fonctionne parce qu'il y a ce genre de structure, soit des préparations, soit des règles qui encadrent ça, ne fonctionne que grâce à ça, mais peuvent poser vraiment souci, quoi. Donc, ouais, c'est une question ouverte pour moi. C'est le reproche classique sur Inferenza, un jeu que je cite très souvent, mais qui, de par son système de résolution, génère un peu des victoires à la Pyrrhus, quoi. C'est-à-dire les personnages sont très très forts et ont une capacité de destruction et de pouvoir qui est assez gigantesque, mais souvent ils vont finir en sale état, ils vont finir par se consumer eux-mêmes, quoi. Et c'est quelque chose que les joueuses acceptent parfois difficilement, quoi. Le fait d'être justement dans une structure tragique, comme tu le disais, quoi. Je pense que c'est important d'être plutôt clair dès le départ, effectivement, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent en jeu de rôle justement pour tout sauf de la tragédie. Ouais. Et ça peut surprendre un peu, quoi. Je sais que j'ai tendance à être assez explicite, parce que j'applique aussi un peu une structure tragique comme ça. Donc tu fixes certains éléments quelque part. Ouais, je leur dis clairement que ils le savent, voilà, ils ont de bonnes chances de finir soit d'être tué, soit de devenir fou, soit de sombrer et au final sans avoir forcément accompli ce qu'ils voulaient. Mais après il faut faire gaffe parce que ça reste du jeu de rôle et si on est formellement tragique, ça réduit pas mal les possibilités. Enfin moi je sais que j'aime beaucoup jouer sur la liberté des joueurs, ce qu'on appelle gentilité, le fait que leur choix ait une réelle signification. Si t'es à fond tragique, en fait, ça peut pas marcher parce que dans ce cas-là, t'as plus une histoire et au final, ils ont pas vraiment d'impact. J'ai pas joué à Polaris, je sais pas ce que ça donne, c'est un jeu qui m'intéressait pas mal. De Ben Lehman, du coup, ouais, le jeu. Avec les chevaliers, ouais. Ouais, c'est ça, Polaris Chevalier. Pour voir comment ils gèrent ça. Parce que c'est vrai que c'est une interrogation que je me pose souvent, justement, comment garder cette tonalité sans pour autant, finalement, que ce soit une stratégie formelle au sens où je n'ai pas vraiment imposé un destin choisi d'avance au personnage, en tout cas pas précisément. Peut-être que la liberté consiste justement à pouvoir choisir quelle destinée tragique parmi toutes les destinées tragiques possibles. Ouais. Warhammer, déjà, enfin, peut-être pas tant par son système, apparemment c'est pas ce que tu utilises le plus, mais de par son univers, est-ce que pour toi il aurait une proposition essentiellement dirigiste? Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être comme dans L5R, un jeu très codifié, et du coup ça s'en ressent quand tu dois scénariser quelque chose autour de ça? Codifié, tu veux dire qu'il y a que veut dire qu'une personne, en fonction, je sais pas, de son rôle, de son rang, de sa famille, de son environnement, va avoir un certain nombre d'actions assez limitées par rapport à ce qu'il peut envisager de faire. Tu parlais tout à l'heure de la hiérarchie qui était assez présente, par exemple. Oui, effectivement, ça l'est et ça participe du côté tragique, parce que par exemple, si par par choix moral, il décide de ne pas obéir aux ordres des supérieurs, c'est généralement les conséquences sont radicales. Donc effectivement, et ça joue beaucoup. Je connais un peu moins Warhammer Fantasy, mais je sais que c'est un peu le même genre aussi. C'est des univers très tragiques. Hein. Enfin, tout est perdu, le chaos est partout, c'est la fin du monde est imminente. Tous les humains ont le chaos en eux qui ne demandent qu'à être un petit peu stimulés pour s'éveiller. Donc forcément, il faut jouer avec ça. C'est ce que les joueurs recherchent aussi. Ouais. C'est bien une question complexe que je vais te poser, mais est-ce que toi, t'aurais éventuellement une réflexion à nous partager sur, en connaissant bien le jeu, sur la perception que tu peux avoir des auteurs dans la manière dont ils ont exprimé et traité le jeu, quoi. Est-ce que pour toi, par exemple, les auteurs pourraient être parfois problématiques dans ce qu'ils ont traité? Ou est-ce que tu as un sentiment différent? Je sais que parfois on reproche, par exemple, à Warhammer 40 000 d'être un jeu fasciste, tu vois, ou fascisant en tout cas. Ça fait beaucoup rire parce que. Attends, t'as pas fini. Voilà. Et voilà, enfin, dis-nous. Là, parce qu'en fait, à la base, Warhammer 40 000, c'est une blague. Hein. Ça a été écrit au 10e degré. Et c'était une sorte de satire, justement. Moi, c'est vrai que ça m'évoque beaucoup la satire quand je le lis, mais les joueuses ont tendance à plus le prendre au sérieux, ce qui m'a souvent surpris. Ouais. Le problème, c'est que c'est un jeu qui est vachement vieux, qui a eu plein d'éditions, énormément d'auteurs, aussi bien au niveau du wargame que du jeu de rôle, que des romans. Il y en a un sacré paquet, et donc chacun a un peu son interprétation, et ça s'est beaucoup éloigné de la farce un peu de base, hein, d'ailleurs, quand c'était vraiment n'importe quoi, genre les Space Marines, ils pouvaient y cracher de l'acide, et c'était un peu... c'était qu'une espèce de private joke sur justement à la base des personnalités politiques, des choses comme ça. Ok. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus sérieux, avec aussi la tendance un peu vachement grimdark. Voilà, on fait comme si c'était très réaliste. Et donc, il y a beaucoup de gens qui jouent. Moi, ça me gêne, effectivement, les auteurs qui écrivent des romans et qui présentent le jeu comme ça. C'est-à-dire que l'Imperium, c'est le bien, et vous êtes les agents du bien. Il faut absolument être prêt à tous les sacrifices pour ça. Ouais, si tu le dis comme ça, c'est clair. Et je trouve ça un peu dommage de perdre toutes les nuances possibles. Après, t'as pas mal d'auteurs qui au contraire mettent vraiment l'accent sur toutes les ambiguïtés, mais ils sont pas si nombreux que ça. Et effectivement, je pense que dans le milieu du wargames, il y a plus souvent une interprétation un peu au pied de la lettre qui peut. Alors bon, après, voilà, c'est qu'un jeu, donc ils ne se rendent pas forcément compte peut-être de ce que ça représente, mais je comprends les gens qui puissent critiquer que ça fasse facho quand on entend certains. Mais pour moi, non, c'est clairement pas un jeu qui a été créé pour ça. Quand tu lis, c'est une satire, quoi, c'est à mourir de rire tellement c'est n'importe quoi. Ouais. Et tu peux le jouer sérieusement, moi c'est ce que je fais, sans pour autant mettre en avant... comment dire, valoriser cette idéologie-là, j'en profite pour dévier légèrement, mais moi, ce que je fais, par exemple, c'est quand je parle en tant que MJ, la voix, enfin les termes que j'emploie pour décrire quelque chose objectivement, dans le monde du jeu, je vais employer justement des termes correspondant à la morale dominante. Exprès, en fait, justement, en accentuant les absurdités que ça entraîne pour que très vite les joueurs en fait le ressentent et qu'il y ait une sorte de complicité là-dessus et donc qu'ils s'en désolidarisent. Je les incite pas à être. Je mets de suite l'accent sur les ambiguïtés et sur le fait qu'ils peuvent tout à fait se détacher de l'espèce de propagande généralisée. Je ne sais pas si je suis clair. C'est galère un peu, effectivement. Si, très. C'était d'ailleurs très intéressant. Pour moi, ça amène un peu le concept du ton en jeu de rôle, qui semble assez important et qui, pas forcément, je trouve, toujours très explicite dans les bases de jeu. Peut-être parce que traditionnellement, c'est plutôt du ressort des joueuses. Félondra, toi, tu parlais du fait que tu réfléchissais beaucoup à l'inspiration venant du théâtre, au fait de pouvoir développer des techniques de jeu. Est-ce que pour toi, le ton, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est un sacerdoce qui te fait cogiter aussi ? Ah, voilà. Non, pardon, j'avais coupé mon micro. Ce sera dans les bonus du DVD, c'est pas. Yes. c'est intéressant comme question, notamment parce que donc en improvisation théâtrale, je suis professeur d'improvisation théâtrale et je crée justement pour le moment des séquences pour essayer de transmettre des codes narratifs. Savoir comment est-ce qu'on fait un film d'action en impro, comment est-ce qu'on fait une improvisation à la manière d'un western ou à la manière du théâtre de Tchekhov en impro, etc. Et donc réfléchir à des codes narratifs, c'est assez intéressant, et notamment parce qu'on se rend vite compte que chaque code narratif a un peu chaque genre a un peu une vision du monde qui véhicule. Parce que dans le film d'action, en fait, on se retrouve très très vite avec des méchants qui sont désignés comme méchants et qui ont une volonté absolument destructrice, et un gentil qui est hyper chargé comme gentil, et d'ailleurs souvent très viril, et qui va s'opposer aux méchants et sauver le monde. Et on ne prend pas vraiment le temps de se poser la question des enjeux, de se poser la question de l'éthique et de la morale. Et c'est pour ça que très souvent, les films d'action, à mon sens en tout cas, c'est des films qui en fait défendent les normes établies, quoi. Parce que souvent, le héros, ça va être un flic qui va le faire au nom de la défense de la nation, au nom de la défense du monde. On ne va pas vraiment se dire, oui, mais attends, en fait, peut-être que les méchants, ce qu'ils veulent vraiment, c'est en finir avec l'hégémonie états-unienne au Moyen-Orient, et en fait, peut-être qu'il y a des enjeux qu'on pourrait questionner. Non, non, non, c'est des mecs qui veulent mettre une bombe et on va leur péter la gueule avant qu'ils arrivent à mettre la bombe, quoi. Et c'est vrai qu'au-delà des relents islamophobes qui étaient très présents, notamment dans les années 90, je pense aujourd'hui les gens n'oseraient plus faire ça, mais c'est vrai que si on prend les films d'action de manière globale, quoi, pas forcément états-uniens, on pourrait questionner la xénophobie de ces histoires, quoi, parce que c'est souvent un pays étranger ou des gens qui sont pas de la même culture que toi qui viennent te taper sur la gueule, quoi. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les James Bond jusqu'à un certain moment, l'ennemi il est slave et il vient du RSS ou de Chine communiste, et puis récemment ça va plutôt être un islamiste, etc. Enfin, les méchants évoluent en fonction de l'état du monde d'après la norme états-unienne, quoi. Ok. C'est quelque chose que vous cogitez, ça, quand vous menez une partie de... Voilà, comment je positionne mon méchant et comment je vais peut-être positionner un méchant qui renvoie à des idées qui sont pas forcément toujours terribles, quoi. Eh ben, justement, pour le moment, je mène une campagne de Night Witches. Donc, Night Witches, c'est un jeu où on joue des aviatrices soviétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. On joue que des femmes dans un régiment qui est exclusivement composé de femmes. Et c'est intéressant parce que un de mes joueurs a fait la remarque à la dernière partie qu'en fait les actions des personnages, parce que donc c'est un jeu motorisé par l'apocalypse, donc les joueurs peuvent effectuer certaines actions très précises listées sur le jeu, et en fait les actions qui sont listées là, ce sont que des actions de transgression. Et donc on se rend vite compte que L'objectif du meneur de jeu, c'est de mettre en place une norme oppressive, que ce soit par le patriarcat qui s'exprime par l'État soviétique en général, que ce soit par la discipline militaire oppressive du régiment, etc. Et que les personnages joueurs vont en fait être menés par le jeu à des actions de rébellion et à des actions de remise en question de ce contexte oppressif. Et c'est très intéressant, quoi. C'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément, enfin que moi je n'ai pas forcément conceptualisé, mais c'est vrai que quand on est dans une représentation un peu rough ou un peu horrible, souvent les gens questionnent ces représentations. Mais peut-être faut réfléchir au fait que le fait de s'y opposer, ça remet pas mal de choses en perspective. Ou le fait de le questionner de l'intérieur, un peu comme peut faire Dogs, quoi. Valentin, est-ce que tu voulais rebondir là-dessus ? Tu avais quelque chose qui t'inspirait ? Bah déjà, ça me donne grave envie de jouer à Night Witches. au-delà de ça, ça me fait. Là, vous évoquez à quel point est-ce que dans un jeu, certaines visions du monde, certaines idéologies peuvent être encapsulées, notamment dans l'univers de jeu, les mécaniques, ce genre de choses. Et à quel point ça peut être soit une représentation un peu oppressive des auteurs de jeux, soit une volonté d'émancipation et de questionnement au sujet de l'émancipation de la part des auteurs de jeux. J'ai eu d'autres expériences qui sont plutôt de l'ordre des pratiques, dans lesquelles en fait, je me suis rendu compte que comme le jeu de rôle c'est une manière de projeter nos imaginaires, en fait, on va aussi projeter indirectement ce qu'on croit être vrai du monde, projeter nos idéologies propres. Et petite anecdote, mais il m'est arrivé d'avoir une partie d'Amour, Gloire et Chevalerie dans laquelle on joue des drames chevaleresques avec un chevalier qui se trouve être homosexuel. Ce qui est intéressant, c'est que moi, meneur de jeu avec cette préparation-là, je venais en tête avec l'idée de questionner l'oppression que peuvent subir des chevaliers homosexuels au Moyen-Âge. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait manifestement des homophobes à la table de jeu qui ne sont pas du tout emparés de ces problématiques-là pour questionner finalement ces problématiques oppressives, mais simplement pour légitimer leurs actes homophobes. Donc en fait, en fonction de comment la table projette son idéologie dans la partie, on peut avoir des effets qui peuvent être soit de questionnement et d'émancipation intellectuelle, soit des effets de validation, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez propre au jeu de rôle, je crois. J'ai des expériences similaires dans Shadowrun, où des gens disaient « les méga-corpos, c'est super bien, au moins ils font tourner l'économie. » Ok. Donc, en fait, ça, des questions morales qui ne sont pas du tout prises en charge de la même manière par les joueurs eux-mêmes, les joueuses. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est assez intéressant. Ouais, moi j'ai eu un cas aussi sur une table de Dogs in the Vineyard où en fait un des joueurs est arrivé à la table en me disant « mais tu sais, moi le conflit moral, je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vie. » Et moi je ne me suis jamais posé de dilemmes moraux dans toute ma vie. Et du coup en fait il a traversé la partie en étant juste extrêmement oppressif envers tout le monde, parce qu'il arrivait devant une situation problématique, et je lui disais, cette personne, visiblement, elle a trompé son mari. Dans le livre sacré, c'est quoi qui est prévu pour punir ça? Je fais, environ ce châtiment-là. Il disait, d'accord, je fais la médiane de ce qui est prévu. Et du coup, au bout d'une heure de jeu, en fait, il avait mis cinq personnes devant la place publique et il les fouettait les unes après les autres, quoi. Et voilà. Et moi, je ne savais juste plus comment gérer cette partie. C'est pas justement ce qu'on évoquait quand on parlait de murder robot, c'est-à-dire un personnage sans nuance, sans attache, sans rien à quoi se raccrocher. Là, c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'il peut avoir des attaches, mais en fait, il croit en l'universalisme moral. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, il n'y a pas de question morale, puisque il suffit de se référer soit au texte, soit à la norme, quoi. Ouais, c'est assez gênant, le personnage dont je parlais, qui enfin le joueur qui tenait des propos racistes à travers son personnage avait un peu le même type de profil, c'est-à-dire à appliquer effectivement une morale universaliste. Je pense qu'effectivement ça pose problème quand on joue à des jeux qui explicitement ont vocation à être aux jeux moraux, puisque le principe c'est qu'il y a souvent justement une sorte de code binaire, comme on l'a évoqué plus tôt. Et que si un joueur décide à travers son personnage de suivre strictement qu'une seule partie de ce code, de jamais le remettre en question à un seul moment, et qu'en plus il fait comprendre de diverses façons que ça reflète les opinions réelles, je pense que c'est clairement problématique, parce que ça enlève ça respecte pas le contrat de base, quoi, ça met tout le monde en l'aise. Et en plus, il y a de bonnes chances que ça foute en l'air la partie. Bah oui, disons que ça pose aussi la question de. Un personnage qui aurait peut-être trop de force d'entraînement, qui aurait pas ou très peu de fragilité, est-ce que ça aussi, ça peut pas être problématique quelque part, quoi. Surtout quand on aborde des sujets aussi touchy, quoi. Même juste pour du jeu moral, si tu joues un personnage qui se pose jamais de questions, c'est pas possible, en fait, c'est du troll, quoi. Oui, c'est ça, le problème aussi, c'est que j'avais ouvert la table, donc c'est au club que je fréquente, et j'avais ouvert la table en disant, voilà, Dogs in the Vineyard, c'est un jeu qui vise à se poser des questionnements moraux, qui se vise à mettre en connexion un code moral extrêmement strict avec des situations réelles qui imposent de trancher dedans, et venez si vous aimez ça, quoi. Et donc, il y a eu ça aussi où, enfin, moi, j'estimais avoir très clairement posé ça dans le contrat social de base. Ouais, et puis quand on parle de jeux où on va parler, je sais pas, par exemple, de violence faite aux femmes ou aux homosexuels, je prends un truc au hasard, et qu'il y a des personnes qui sont concernées de loin en loin, enfin de plus ou moins loin, quoi, ce qui a de fortes chances d'arriver si on parle par exemple d'homosexuels ou de femmes, est-ce que si justement les gens s'en emparent peut-être avec trop de virulence, est-ce que c'est pas là où on recommence à peut-être être un petit peu problématique, quoi. Même avec un contrat social clair sur ce qu'on joue au départ, quoi. Est-ce que aussi, peut-être quelque part, je me permets de complexifier un petit peu la question. J'espère que vous n'avez pas, ça va pas être trop confusant, mais est-ce que aussi quelque part certaines problématiques difficiles, c'est pas réservé à un certain type de jeu, quoi. Genre, est-ce qu'on peut faire un jeu vraiment compétitif, ludique? En parlant de violence faite aux femmes, quoi. Est-ce que c'est pas si on part dans ce délire de jeu sur des thématiques aussi difficiles, est-ce que c'est pas l'occasion rêvée de se viander quelque part? Donc quoi, tu veux dire que à mettre certaines problématiques au centre d'un scénario ou d'une intrigue ou d'un enjeu ludique, on prend trop de risques, c'est ça que tu veux dire? Je dirais que c'est parfois délicat d'aborder certaines propositions de jeu, quoi, tu vois. Typiquement, alors je vais te donner un exemple à la con, mais si tu fais un jeu OSR je sais pas, le but c'est de des trucs à la con, tu vois, mais tu vois, c'est de trouver un maximum d'homosexuels pour en ramener à ton maître et pour qu'il te donne des pièces d'or, tu vois, justement. Alors je prends un exemple assez cliché et un peu brutal, un peu violent, quoi. Est-ce que justement, moi c'était ma question, est-ce qu'avec le jeu moral on a des facilités à aborder des thématiques difficiles parce que justement ce type de proposition s'y prête, quoi. Ouais, moi j'ai l'impression que chacun a ses limites éthiques et morales, et personnellement, si par exemple un jeu me proposait de jouer un flic qui va réprimer une gay pride, par exemple, je pense que je refuserais. Ou alors je jouerais en fait quelqu'un qui est un sympathisant de la Gay Pride et qui va essayer, avant que l'opération de police ne se fasse, de prévenir les organisateurs, de saboter le matériel de la police, de donner des fausses informations, etc. Mais je pense que je ne serais pas capable, parce que je n'en tirerais aucun plaisir et aucun intérêt à jouer au premier degré. Un flic qui va matraquer des homosexuels ou des trans ou autre, par exemple. Ouais. Ou alors peut-être on retourne sur l'idée du ton, quoi, et ce qu'on va dire sur le jeu, quoi. Oui, après, je pense personnellement, même si c'était sur un ton très humoristique, je pense que ça, c'est une. Je suis prêt à beaucoup de choses, je suis très curieux, je trouve. Ouais. Quelque chose d'aussi ouvertement précis, et je pense que ça doit exister, malheureusement. Rachel Oliwar, ouais, il y a plusieurs jeux. Rachel Oliwar, en fait, qui te propose juste de. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du jeu. Il y a Jessetra qui avait fait un podcast avec moi, qui a fait donc un podcast sur un jeu qui propose de mettre en valeur le suprémacisme blanc. Quoi. On reste sur des jeux quand même très spécifiques. Comment ? Sur un ton humoristique, non, tout à fait sérieux. Apparemment, le type est vraiment sérieux. La plupart des gens pensent. C'est comme pour Fatal, en fait. C'est des jeux tellement extrêmes que les gens ont du mal à croire que c'est réellement sérieux, quoi. Ouais, pour moi, c'est un peu le point Godwin du JDR. C'est-à-dire, on a tendance à pas mal parler de ces jeux. Et on va oublier des jeux beaucoup plus répandus qui seraient peut-être éventuellement plus problématiques, quoi. Oui, c'est parce que moi je me demande à quel point en allant. Moi de plus en plus en fait j'ai un problème avec ce que décrivait Valentin avec le concept d'alignement, etc. Et où on te dit bah en fait oui ces gobelins ils sont d'alignement mauvais donc tu vas les tuer. Et on ne se pose pas de question de dire oui mais attends en fait là peut-être qu'on débarque parce que parfois moi j'ai déjà vécu dans des jeux de rôle des situations où on débarquait dans un village de gobelins ou d'orques et en fait tu te dis oui non mais en fait attends en fait c'est des femmes et des enfants qui sont là et c'est pas des combattants et peut-être qu'en fait c'est nous qui sommes des gros oppresseurs ici et que juste si l'un de nous se donner la peine d'apprendre le gobelin, d'apprendre l'orque, d'apprendre une langue comme ça, on pourrait peut-être parler avec eux, on pourrait peut-être faire des choses bien. Et en fait, qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça dit de nous que, confrontés à une différence culturelle, on décide de l'éradiquer plutôt que d'ouvrir le dialogue avec. Et je pense que dans une grosse production rôliste qui s'appuie quand même sur des présupposés moraux très, très simplistes, quoi. Peut-être aussi que le jeu d'aventure a un côté un peu très occidental, imprégné d'une culture coloniale, etc. Oui, ça c'est fort possible aussi, oui. Ouais, ouais. J'ai quand même la sensation que, en fonction de la structure du jeu, la manière dont peut être traité des thématiques oppressives va être complètement différente. C'est-à-dire que effectivement, tu citais un jeu très ludiste d'aventure. En fait, on n'a pas les moyens en tant que joueur de prendre en charge ces problématiques-là. Quoi. Ou alors, c'est à la marge de la structure même du jeu. Et parfois, le jeu nous met des gros bâtons dans les roues pour, comme tu disais, Emmanuel, nous en sortir. Quoi. Par ailleurs, certains autres jeux, voilà, comme certains jeux mots, pas tous, hein, mais. Et certains jeux moraux qui nous mettent en situation de justement nous poser la question. Et ils vont nous pousser à nous poser la question de cette oppression, de notre rapport. Donc je pense que vraiment la structure d'un jeu et la structure plus généralement de la partie a une influence majeure en fait, sur la possibilité de traiter ce genre de questions. Lecteur, je crois me souvenir que tu mènes ou tu as animé une partie d'Apocalypse World. Ouais. Aussi. Campagne. Ça. Je voulais, ça peut être l'occasion de rembrayer sur le sujet, aussi parler de à quel point un personnage que l'on va incarner en fait va être soumis à l'esthétique du jeu et comment on va se positionner par rapport à ça. Et notamment, éventuellement, ton expérience d'Apocalypse World m'intéresse parce que c'est un jeu qui peut être très trash. Je me souviens notamment d'un archétype qui a des dons de manipulation mentale qui peut lui permettre juste de jouer au gros Puppet Master avec tout ce qui bouge autour de lui, en brisant la notion de consentement allègrement. Bon, même si c'est pas le seul personnage qui est assez bourrin dans ses archétypes, est-ce que parfois l'esthétique dans certains jeux, elle est pas un petit peu violente de base, quoi? Elle peut, je sais pas, nécessiter des ajustements, des réflexions. Alors violente au sens violence, ou tu veux dire violente au sens où il n'y a pas moyen d'y couper? Un petit peu, bah, disons que oui, disons que c'est un petit peu la douche froide, quoi, tu vois. On est directement sur des choses très trash ou très intenses émotionnellement, de ce genre de choses, quoi. Ah oui, bah effectivement, il y a des jeux comme ça. Mais après, si justement tu crées pas des personnages ou tu ne les joues pas dans cette esthétique, en fait, tu la brises, puisque en plus, ces jeux-là qui sont centrés sur les personnages, c'est eux qui en définissent aussi beaucoup l'esthétique. Encore une fois, je pense que soit les gens qui y jouent viennent pour cette esthétique, et donc ça veut dire qu'ils pensent qu'ils peuvent développer quelque chose d'intéressant avec, même si ça peut effectivement être des trucs assez hard. Soit je pense qu'ils adaptent. Nous, par rapport à ce qu'on avait fait, chacun avait joué le jeu de créer un personnage qui résonnait d'une manière ou d'une autre avec cette ambiance très post-apo, donc où justement notion morale est floue, remise en question, la survie est mise avant tout le reste. Ils avaient tous un côté très en lien avec ça, mais en même temps, ils les avaient beaucoup humanisés, en fait, ils compensaient vachement. Enfin, j'avais comme le sentiment que les joueurs cherchaient à compenser un peu les sales choses qu'ils avaient pu faire, même ne serait-ce que dans le background, avant même de commencer à jouer. Donc ça donne des personnages très réalistes, très humains, et une histoire intéressante, malgré cette esthétique un peu douche-froide, comme tu dis. Je pense qu'au contraire, en fait, ça met d'autant plus en valeur les qualités humaines qu'ils vont pouvoir développer à travers leur personnage, quand il y a une atmosphère comme ça qui se prête au jeu. Ouais, mais justement dans la Poké Sword, enfin moi c'est mon ressenti, hein, peut-être pas forcément le même, c'est pas dramatique, mais on me l'a surtout vendu comme, enfin on le vend souvent quand même, je trouve, comme un jeu Mad Max ou comme pour faire un post-apo générique, mais quand même assez centré sur l'attrition, sur les bandes, ben, sur la difficulté de cette post-apocalypse, quoi. Et parfois, on est un petit peu surpris, bah, notamment par les moves, c'est-à-dire par les actions des personnages et par ce qu'ils peuvent faire, qui est justement très létal dans un Poké World. C'est un peu ce qu'on lui reproche, d'ailleurs, des fois, c'est d'avoir des PJ extrêmement bourrins, quoi. Est-ce que parfois, c'est pas cette émergence, c'est pas compliqué à gérer aussi? Tu veux dire le degré de puissance destructrice des personnages? Ouais, notamment. Et leur capacité sur le monde, quoi. J'ai envie de dire, c'est un peu le deal, c'est que justement, c'est centré sur eux, et qu'est-ce qu'ils vont faire de cet apocalypse merdique, quoi. Qu'est-ce qu'ils font avec leur talent qui leur permet d'avoir une influence énorme, mais qui risque de tout ravager au passage. Pour moi, Apocalypse World, enfin, après c'est peut-être ma lecture, mais justement je le trouve quand même vachement orienté pour poser des questions morales, parce qu'il y a une bonne vieille table rase, cette puissance est là, en fait, justement pour que chacun puisse dire, bah, moi je veux que ce soit comme ça, je mets ça en avant, je mets telle esthétique aussi en avant à travers mon perso. Voilà, est-ce que c'est friand? Je pense que ça dépend vraiment de l'MJ. Moi perso, j'adore les jeux comme ça, et quand les jeux sont pas comme ça, j'ai tendance à les rendre comme ça. Ça fait en sorte Ouais, que... quelque part, plus c'est horrible, plus c'est marqué, plus c'est visible et... Non, je veux dire qu'ils aient un grand pouvoir, mais fatalement toujours avec une responsabilité derrière. Et je pense que de toute façon, justement, plus le jeu est cadré de sorte à ce que ce pouvoir soit aussi destructeur. Je pense à, dans Apocalypse, notamment au fameux mouvement prendre par la force, qui permet juste d'obtenir quasiment n'importe quoi, qui est hyper fort comme manœuvre de jeu, mais qui implique de démolir son interlocuteur. Et souvent, tu réalises qu'en fait, les joueurs eh bien, vont s'infliger plus de difficultés pour éviter justement de causer un carnage à chaque fois, alors que pourtant, c'est vraiment une facilité, quoi. Ou alors, au début, ils l'essayent un petit peu pour voir jusqu'où ils peuvent aller, et puis se rendent compte, non, mais en fait, ouais, effectivement, j'obtiens ce que je veux, mais faut voir le carnage que je sème derrière, quoi. Je suis pas sûr d'avoir parfaitement saisi ta question, peut-être. J'ai pas bien répondu. Enfin, j'ai répondu un peu trop vite. Non, non, si, ça me semble convenir. Bah, c'est un peu, ça fait un effet miroir avec ce qu'on disait sur sur les scénarios dirigistes qui cadrent. Là, c'est une manière de cadrer, mais par la puissance du personnage, quoi, quelque part. Donc, on l'a un petit peu évoqué, mais j'aimerais éventuellement qu'on essaye d'approfondir, parce qu'on a parlé du personnage, on a parlé des structures narratives, mais j'aimerais qu'on parle aussi de ce qui se passe tout simplement autour de la table, des rapports entre les gens, et du fait qu'avant tout, le jeu de rôle est une activité sociale, aussi bien que créative, sinon plus, et que partant de là, il devient difficile d'ignorer toutes les règles sociales, on va dire explicites ou implicites qui ont cours, quoi. Est-ce que cela veut dire que jouer une table de jeu revient à questionner ces normes sociales? Et si oui, dans quelle mesure est-ce pertinent? Comment éventuellement peut-on envisager d'en créer des nouvelles ou de les adapter? Donc voilà, c'est encore une vaste question, sûrement complexe, mais dans tous les cas, je vous laisse sur une réflexion de Guy Debord, écrivain et sociologue reconnu pour ses réflexions autour de la notion de spectacle. Ça tombe bien, on est proche des 50 ans de mai 68. Et qui disait la chose suivante, il disait « Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. » Et j'aime bien, parce que ça rebondit à pas mal de choses qu'on a pu dire. Quand on parle donc de morale et d'éthique autour de la table de jeu, on a déjà évoqué l'antagonisme qui permet de polariser pas mal des postures. Moi, la question que j'avais envie de vous poser, parce que ça rebondit énormément à tout ce qu'on a dit au cours du podcast, c'est revenu régulièrement, c'est quand quelqu'un a un discours problématique en tant que joueuse, est-ce le rôle de la table de le réguler? Je sais que moi, pour bien connaître le milieu militant LGBT, par exemple, ben, y a des vraies scissions par rapport à ça, quoi. Est-ce qu'on doit être pédagogique? Est-ce qu'on doit prendre le temps, quitte à blesser les gens qu'il y a autour un peu plus longtemps? Où est-ce qu'on doit être létal et refuser et exclure les gens ou faire du shaming parce que on veut que tel comportement soit considéré comme honteux ou voilà. Voilà. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Alors moi j'ai eu peu de problèmes. J'ai eu peu de problèmes par rapport à ça, parce que je joue beaucoup avec des amis que je connaissais avant de faire du jeu de rôle avec eux. Donc il y en a quelques-uns pour lesquels c'est pas le cas, mais comme je joue en club, en fait, ça me donne vraiment la possibilité de choisir avec qui je joue. Il y a des gens avec qui j'ai eu des différends qu'en général, ça m'est jamais arrivé de devoir vraiment interrompre une partie parce qu'un joueur avait ou une joueuse avait dit quelque chose de vraiment trop dur et que je disais oh, ça ne va pas. Alors soit je ne l'ai pas vu, soit ça n'est pas arrivé à une table à laquelle j'étais. Ce que j'ai eu par exemple, c'est l'ancien président du club auquel je vais donc moi je lui disais que quand même ces affiches avec des jeunes femmes nues dans des positions suggestives sur les murs du club, moi je trouvais ça assez nul, et sa réponse a été de dire oh tu sais moi je m'en fous, et puis tant que ça fait venir des mecs c'est plutôt chouette. Et du coup, en fait, ma réaction, ça a été que systématiquement depuis, quand je vais dans la salle où il y a l'affiche en question, eh ben, je l'enlève et je la cache dans un coin. Et puis, ils finissent toujours par la retrouver et par la rependre, quoi. Mais, Ah, ok, ouais, carrément. Ouais, c'est vrai que c'est, hélas, encore un discours récurrent en assaut de jeu de rôle. Ouais. Ouais, malheureusement. Et après, voilà, ils se plaignent qu'il y a peu de filles à table, mais bon. Ouais. Mmh. En plus, ce sont des représentations très typées, quoi. C'est-à-dire, même s'il y a des nanas lesbiennes qui veulent venir en assaut de jeu de rôle, c'est pas forcément quelque chose qui va leur parler. Mmh. Est-ce que vous autres, vous avez une réflexion là-dessus ou ça... Ouais. En fait, au contraire de Felondra, moi j'ai tendance à jouer avec des publics très variés, soit que ce soit en convention. Ou même en association de jeux de rôle, et puis j'aime bien aussi beaucoup changer les joueurs avec lesquels je joue. Et donc je joue avec beaucoup d'inconnus. Et en fait, ce genre de questions, j'y étais confronté quand même pas mal. C'est-à-dire soit des propos racistes ou des propos sexistes ou homophobes ou transphobes. J'en ai eu assez souvent. Et en fait, c'est extrêmement difficile comme question. Parce que notamment, alors c'est difficile en soi, hein, ce sont toujours des questions difficiles comme tu l'as évoqué tout à l'heure, quand on est dans un cadre d'une discussion informelle, par exemple, autour d'un verre ou n'importe quoi. Mais la difficulté est redoublée en jeu de rôle parce qu'en fait, on a créé une sorte de cercle magique dans lequel on joue un personnage et on se joue soi-même jouant un personnage. Donc en fait, tous les propos qu'on tient sont toujours ambigus. Quelqu'un qui va tenir vraiment des propos racistes, c'est très difficile de lui dire « Écoute, là, tu dépasses les bornes. » Ou il y a une certaine… on peut se cacher toujours derrière un masque, quoi. Le masque un peu de l'ironie de l'acteur. Et donc, en fait, ça fait que intensifier le problème quelque part. Et j'ai encore moins de solutions. Voilà, c'est terrible, mais en tout cas, c'est mon expérience personnelle, quoi. Moi, je suis entre les deux, je pense, entre vous deux. J'ai plusieurs types de tables, aussi bien avec des intimes que des inconnus. Et clairement, bon, il y a plus facilement ce genre de problème avec des inconnus, parce qu'entre intimes, on voit assez rapidement qui pense quoi, et puis ben, on fait en sorte de jouer avec des gens. Avec des inconnus, effectivement, c'est délicat. Moi, je suis plutôt partisan de l'idée qu'effectivement, c'est à la table de réguler ça, parce que sinon, au final, ça pénalise tout le monde et ça pourrit complètement le plaisir de chacun. Et en plus, ça risque de blesser les gens. Moi, je suis plutôt partisan de la méthode létale, en fait. C'est vraiment d'être hyper clair, direct avec la personne. Ça dépend de la gravité de ce qu'elle sort, mais en gros, soit l'éjecter immédiatement, soit lui dire que ça passe pas. Et donc, si elle ne sort rien d'autre, elle peut continuer à jouer si ce qu'elle a dit n'était pas déjà trop affligeant. Mais je pense que pas chercher à faire de leçons de morale ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il y a une sorte de pacte tacite, c'est-à-dire qui est quand même, enfin, en tout cas, j'ai l'impression de plus en plus mis en avant, du genre, voilà, on joue dans tel type de cadre et avec, on va dire, telle ouverture d'esprit. Si la personne ne respecte pas ça, bah, elle respecte pas le deal et donc forcément, tu peux pas la garder à table. Ouais, moi j'avoue que j'ai pas forcément de réponse très tranchée par rapport à ça. Alors en tant que personne militante, ça serait mon boulot de gueuler chaque fois qu'il y a un truc qui est problématique, qu'il faudrait gérer et que je me gêne pas pour faire dans le milieu militant. Mais je suis un peu d'accord sur le fait qu'au cours d'une partie de jeu de rôle, il y a une partie de il y a un côté cercle magique qui fait qu'aussi, je suis pas mal d'accord avec Valentin, je généraliserai même en disant que la communication est très complexe au cours d'une partie de jeu de rôle, c'est-à-dire il se passe plein de choses entre le jeu, les envies de jeu, les narrations, les interprétations de chacun et de chacune, et ensuite ce qui se passe socialement entre les gens. J'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de couches. Mais c'est vrai que enfin, j'essaie vraiment d'être dans les situations où ça, j'ai un peu retourné ça du militantisme. C'est à partir du moment où quelqu'un est mal, quoi, vaut mieux scier la branche de l'arbre, quoi. Quitte à ça se passe pas forcément très bien. Mais c'est vrai, un peu comme tu disais, lecteur, j'ai vu trop de parties où. En tout cas, moi, j'ai vu trop de parties, ouais. Où il y a des gens qui ont été mal et qui sont restés mal longtemps et qui étaient un peu tétanisés, qui n'osaient pas partir de la table, qui sont restés une, deux, parfois trois heures sans bouger, sans parler, sans que personne réagisse. Et c'est vrai que je ne voudrais pas que ça se reproduise, quoi. En tout cas, moi, pour l'avoir vécu, c'était pas agréable. Ouais, c'est clair. Après. Je pense qu'un bon moyen, quand il y a des ambiguïtés, s'il y a quelque chose qui est sorti, on n'est pas trop sûr si c'est en roleplay ou pas, et même si c'est en roleplay, ça peut gêner. Je pense que la meilleure façon, c'est de mettre les choses à plat. Ouais. Ça dépend vachement du contexte après, quoi. Si c'est en convention ou quoi, c'est pas du tout la même chose que si c'est dans une asso, que si c'est en ligne inconnue. Mais mettre les choses à plat, quitte à faire une pause et limite à prendre individuellement les joueurs, c'est d'après à discuter ensemble ou quoi, c'est. Je pense que c'est la meilleure méthode en fait, pas laisser les choses s'envenimer, effectivement des gens être blessés, qui vont pas forcément oser le dire, qui vont continuer à jouer en passant les pires 3 heures de leur vie. Je pense que, enfin après, je sais pas, ça c'est ma position, mais je suis souvent assez navré par justement la passivité qu'on peut voir même dans des parties qui tournent très très mal, hein, qui vont vraiment loin. Il y a souvent beaucoup de joueurs qui se plaignent de ça en disant c'est la responsabilité du MJ de faire en sorte que ces choses-là n'arrivent pas. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des positions différentes, mais moi je suis assez d'accord au sens où le maître de jeu, ça reste, peu importe le type de jeu, ça reste traditionnellement quand même un peu la personne qui répartit la parole et qui d'une certaine façon, dans le sens où passe ce qui va être accepté ou non à la table. Et donc il y a un peu cette responsabilité-là. Avec ce poste un peu plus charismatique de voilà quoi, s'il y a quelque chose qui déconne et qu'on sent bien qu'il y a des gens qui vont pas bien, bah, faut reprendre les choses en main et résoudre le problème tout de suite. Ça. Pour que ça reste un jeu, justement, que ça reste plaisant. C'était très intéressant. On va faire un truc. Est-ce que lecteur, tu auras encore juste 5 à 10 minutes pour conclure ou il faut vraiment que tu partes? Ouais, ça va. Évidemment, ça, Je voulais juste parler d'un dernier truc et après on peut faire la phrase de conclusion. Sinon, on l'aurait fait directement là et non, finalement. Non, non, c'est bon, ça va. Je voulais parler aussi du fait du concept que je pourrais appeler de l'invisibilisation de certaines joueuses. Et des rapports de force et de ce qu'on pourrait appeler comme étant des dissonances de table sur le fait que si il peut y avoir un aspect moral autour de la prise de parole et autour des envies de chacun quoi. Ça peut être le joueur proactif qui veut essayer de leader le groupe et qui invisibilise les gens. Ça peut être la personne qui a des envies particulières et qui soit va être exclue parce qu'elle a des envies particulières, soit va complètement parasiter le jeu. Est-ce que pour vous, il y a une espèce de code moral de table à respecter ou en tout cas à réfléchir autour de la prise de parole et de certains rapports de pouvoir qui peuvent s'instaurer? Est-ce que quelque part, c'est un sacerdoce? Est-ce qu'on s'en sortira jamais? Il y aura toujours des gens qui, au cours d'une partie, prendront plus de place? Ou est-ce que vous avez une réflexion un peu différente par rapport à ça? Moi, en tout cas, quand je mène, notamment en club, je fais assez attention à ce que quand même chacun ait un peu sa place. Quelque chose que je fais depuis un petit moment maintenant, c'est en tant que meneur de jeu, de poser des questions aux joueurs pour qu'ils amènent des éléments dans la fiction, pour demander quel est le ressenti de leur personnage sur une scène qu'ils vivent, etc. Et ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est qu'il y a effectivement un joueur très proactif qui se met à répondre pour les autres. Et là, tout de suite, moi, je recadre en disant non, non, non, mais attends, après, je te poserai une question à toi. Là, maintenant, je lui ai posé une question à lui ou à elle. Et j'aimerais bien que ce soit lui ou elle qui réponde parce que c'est sa réponse qui m'intéresse. Aussi platement que ça. Et alors, une fois, le joueur a été un petit peu ronchon après, mais c'est très vite passé. Et puis, on l'a débriefé en fin de partie, et il m'a dit, ah oui, en fait, j'ai bien compris. Et c'est vrai que l'autre, il avait mon habitude de jouer, moi, j'avais plus l'habitude, alors je voulais l'aider, mais en fait, voilà. En tout cas, moi, j'ai toujours été face à des joueurs très compréhensifs, et j'ai l'impression, en tout cas, dans mon vécu, c'est plutôt des espèces de réflexes. Et de volonté de bien faire en disant ah oui, mais cette personne a l'air mal à l'aise avec la prise de parole, avec la création sur le moment, je vais l'aider. Et du coup, on prend la parole et on monopolise la parole et on invisibilise. C'est plutôt ça auquel j'ai fait face. Lecteur, je sais que, enfin, un peu comme moi d'ailleurs, de toute façon, tu joues pas mal en virtuel. Est-ce que tu as observé des choses spécifiques, au virtuel à ce niveau-là? Alors, spécifique au virtuel, je pourrais pas dire parce que ça fait tellement longtemps que je fais en virtuel que je crois que j'aurais plus tellement d'éléments de comparaison avec l'IRL. Ouais. Mais moi, je trouve que le virtuel, justement, facilite beaucoup l'équilibre dans la prise de parole. Parce que le fait de ne pas se voir, ça oblige à être plus attentif. Du coup, enfin, je suis plutôt bien tombé jusque-là avec des joueurs très attentifs, qui font toujours en sorte de laisser des pauses et de respecter la parole les uns les autres. Et en général, j'ai pas eu besoin de faire des ajustements. On voit fréquemment apparaître des joueurs un peu plus dans le lead, comme on dit. Finalement, c'est pas si problématique parce qu'il y a des joueurs qui aiment bien aussi être là, participer, mais pas parler beaucoup. Participer d'autre façon. Enfin, ils vont plus faire des interventions importantes, mais plus espacées, alors qu'il y en a d'autres qui vont parler beaucoup sans forcément dire des choses essentielles à chaque fois. C'est assez équilibré. Je pense que l'important, c'est effectivement après, voilà, plus en tant que maître de jeu, moi, ce que j'aime faire, c'est titiller un peu, beaucoup, surtout si c'est des joueurs que je connais pas à la base. Leur poser des questions, leur laisser la parole sur un truc spontané qui serait les seuls à pouvoir y répondre. Je sais pas, un truc tu sais spécifiquement que ton personnage est vachement calé là-dedans et tu lui poses une question qui l'invite à prendre une sorte d'autorité sur un élément de l'histoire de l'univers, par exemple. Mais à part ça, je pense que si tout le monde est attentif et que le maître de jeu va tester un peu ce que chacun aime prendre comme espace verbal, ça passe. Hein. Après, je pense qu'on est tous tombés sur un joueur hyper bavard qu'il fallait calmer un peu, mais en général, après l'avoir dit une fois, comme vous l'avez dit, c'est pas de la mauvaise intention, en fait, c'est après il se calme, mais tout va Ce bien. que je trouve assez cool Ouais. dans ce que tu dis, qui n'est pas forcément évoqué super souvent, c'est qu'effectivement la répartition du temps de parole, et on pourrait aussi réfléchir peut-être à une répartition de l'importance de la parole, quoi. Et les deux sont pas forcément liés en soi. Non, ouais, c'est ça, parce que j'avais entendu, il y a des MJ carrément qui chronomètrent le temps de parole de chacun pour se faire une idée un peu de la place qu'ils prennent eux-mêmes et chaque joueur, par exemple pendant les tours, je sais pas, les phases d'action, des choses comme ça. Mais je trouve que c'est trompeur parce que ouais, effectivement, tu peux très bien parler peu, mais avoir beaucoup d'impact et être à l'aise là-dedans. Il y a quelque chose que vous avez évoqué qui me fait un petit peu réfléchir. Vous avez beaucoup parlé finalement du rôle du meneur ou de la meneuse de jeu qui serait un rôle de régulation. Et moi, ça me pose quelques questions parce que je me dis que ça fait peser une responsabilité morale qui est énorme sur les épaules du ou de la meneuse de jeu. Et donc ça a deux effets. Le premier, c'est que comment dire, il y a une pression qui est énorme et qui peut être disruptive pour les meneurs et meneuses elles-mêmes. L'autre facette, c'est que si jamais le meneur de jeu ne prend pas cette responsabilité, on en est dépossédé parce que tout le monde s'attend à ce que ce soit cette personne-là qui prenne cette responsabilité, qui n'est pas prise. Et là, on a beaucoup de problèmes. Donc, en fait, j'aimerais peut-être nuancer votre propos avec deux pistes possibles. La première, ce serait de dire que ce genre de, comment dire, ce genre d'invisibilisation de certaines joueuses pourrait être résolu peut-être en amont avec certaines méthodes. Certaines règles dans la conception des jeux eux-mêmes, avec par exemple des tours de parole qui sont codifiés ou des manières un petit peu implicites et émergentes de faire circuler la parole. Donc ça, c'est une première possibilité, mais une deuxième possibilité serait aussi de mettre la responsabilité de l'invisibilisation des joueuses sur la table en entier, quoi. Je trouve qu'il y a comment dire, une pratique de la déresponsabilisation des joueuses autour de la table quand il y a effectivement ce rapport de force. Et après, il peut y avoir même un abus d'autorité quand le meneur de jeu est pas forcément au fait de ces questions attentif ou bien intentionné, quoi. Ça me rappelle, alors la comparaison est peut-être un petit peu brutale, hein, mais à tout ce qu'on dit sur les situations de harcèlement ou de violence, par exemple dans le métro, où on s'attend toujours à ce que quelqu'un réagisse, on s'attend ouais. toujours à ce que ce soit l'autre, et au final, personne ne réagit, quoi. Même si on est nombreux et nombreuses à avoir observé la situation. Ouais, alors le fait d'avoir un référent, ça peut être intéressant, parce que c'est lui qui a la responsabilité seul, donc il se sent d'agir, mais il peut y avoir des dynamiques autoritaires et oppressives qui sont en fait démultipliées dans ce genre de cas, ce qui m'est arrivé aussi personnellement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Valentin sur le côté vicieux qu'il peut y avoir à se reposer sur le meneur de jeu. Et d'ailleurs, moi, je tends à encourager de plus en plus et à chercher des outils, notamment pour permettre une meilleure communication autour de la table et pour permettre à chacun et chacune d'exprimer son ressenti, etc. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un vrai besoin, effectivement, de décloisonner cette espèce de rapport de force de fait où le meneur de jeu serait, ou la meneuse de jeu serait celui ou celle qui devrait veiller au grain, et du coup, les joueurs et joueuses seraient complètement déresponsabilisés de ça, quoi. Et c'est important de redonner la responsabilité à tout le monde autour de la table. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros potentiel en jeu de rôle, justement pour aller se poser des questions d'éthique et des questions de morale, et que c'est un... Je pense que c'est un médium qui a un avenir vraiment à explorer ça, mais du coup, avec le besoin de mettre en place un cadre safe pour le faire, ce qui est tout à fait en train d'être fait aujourd'hui avec tout ce qu'on entend depuis quelques années sur la sécurité émotionnelle, etc. quoi. Ça, pour moi, c'est les préparatifs à une grande exploration de ce sujet-là par le jeu de rôle, en tout cas, que j'espère. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, j'ai eu le bonheur de pouvoir faire un podcast sur le sujet, et il y a pas mal de gens qui s'y ont mis, on s'y met de plus en plus, et ouais, je pense que c'est très bien. Parce qu'on ouais. pourra toujours discuter du sujet pendant 10 ans si on n'a pas d'outils pour le mettre en place. Ouais. J'aurais tendance à penser, pour synthétiser ce que tu viens de dire, c'est que l'exploration éthique dans une partie de jeu de rôle ne peut se faire qu'à la condition d'un respect éthique entre les joueurs. C'est une nécessité primordiale, quoi. Ouais. Et du coup, faut peut-être, c'est ça qui me paraît complexe aussi, c'est pour respecter l'éthique des autres, il faut aussi arriver à la comprendre, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Absolument. Ouais, sacré projet. Très bien. Mais du coup, en tout cas, c'est bien que le jeu de rôle amène aussi à se rapprocher de l'éthique des autres, à les comprendre et pour pouvoir créer ensemble. Ouais, ça force les gens à être empathiques, c'est vraiment horrible. Le plan de conquête mondiale par les rôlistes ou réalistes, je sais pas. L'empathie. Ouais, très bien. Ok, bon, bah, ça. Je laisse les auditeurs et auditrices éventuellement réfléchir à tout ça. Moi, je vous remercie, Lecteur, Valentin, Félandra, de m'avoir accordé du temps. Pour mener cette réflexion. J'ai appris pas mal de choses et ça remet un peu les choses en perspective. Ça donne envie de faire du jeu moral et de jouer à Night Wishes, dans tous les cas, au pire des cas. Je vous remercie encore pour votre participation. Et puis, je vous dis peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup. Ouais, c'était très chouette.